الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا ان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدونك مرحبا بكم إن شاء الله تعالى ce soir dans la salle. Sans tarder, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer directement par la vie des prophètes et on commencera aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, par la vie de Adam alayhi salam. Donc ce soir, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, le 12. Nous sommes le 12. Rabi Asani 1428 de l'Égir, du calendrier musulman, c'est-à-dire le 30 avril 2007, d'après le calendrier des chrétiens. En ce qui concerne Adam alayhi salam, j'ai préféré le baser sur ce qu'a écrit le grand et éminent savant qui s'appelle Ibn Kathir. Parce que vous savez que, même dans les livres de l'Islam, et il y a des choses qui ont été ajoutées, des choses qui ont été un peu, disons, erronées. Maintenant, les ulama, on se base toujours sur les grands ulama quand on veut dire quelque chose en islam. On ne se base pas sur n'importe qui disciple, mais on se base sur les grands ulama, ceux qui ont le dalil, ceux qui ont la preuve que ce qu'ils ont dit est vrai et conforme au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la vie des prophètes et les histoires des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, c'est-à-dire dans sourate Yusuf numéro 11, il a dit le récit, il y a certes une leçon pour des gens doux et d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le cas de la vie des prophètes. S'il nous parlait de la vie de notre prophète, on aurait compris pourquoi. Et pourquoi qu'il nous parle de la vie des autres prophètes, la vie d'Adam, la vie de Noé, la vie de Ibrahim, la vie de Moussa, et comme ça, pourquoi qu'il nous parle de la vie des prophètes. Il a bien montré ici, il a dit, certes, dans le récit, il y a une leçon pour les gens doués et d'intelligence. Quand on écoute le récit, on lit le récit, ça raffermit nos cœurs. Ensuite, on compare les épreuves qu'ils ont eues avec nos épreuves. Et même pour les autres prophètes, ça raffermit leur cœur. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans un autre verset, exactement dans les versets, j'ai pas écrit le sujet, on a dit, en te racontant des récits, des messagers, c'est pour raffermir ton cœur. C'est pour raffermir ton cœur. Donc, si on parle pour cet homme, il lui a dit, c'est pour raffermir ton cœur. Donc, en lisant ce qui est arrivé aux prophètes, les épreuves qu'ils ont eues, les difficultés qu'ils ont eues, tout ça, ça raffermit des amours. J'ai fait bien mon rêve, que la paix soit sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé beaucoup d'Adam. Il y a beaucoup de versets dans le Coran sur Adam. Je vais les prendre par quelques versets très vite. Ensuite, je vais commencer par chaque chapitre, un chapitre après l'autre de Ibn al-Zawji. Donc, je choisirai maintenant, ce qui concerne Adam, je choisirai un extrait où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate numéro 2, verset 30-31, il a dit: lorsque ton Seigneur croit aux anges, je vais établir sur la terre un viseur. Ils dirent: vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? quand nous sommes là à se sanctifier, à se glorifier, Allah Ta'ala on dit, on dit que ce que vous ne savez pas. Et il a pris à Adam tous les noms. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de cela que vous êtes dirigés. C'est-à-dire dans vos prétentions, vous êtes plus avec Adam. Ils dirent, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Car c'est toi le mission de la vie. Allah dit, oh, un des noms. Puis que l'un des noms, je prie, je vous prie, et que je sais ce que vous divisez et ce que vous crachez, jusqu'à la fin des versets, comme je dis, il y en a tellement que je m'arrête, Inch'Allah Ta'ala, seulement à cela. Et le premier chapitre, on va commencer par un chapitre qui s'appelle « Une question ». Les anges demandent quelle est la sagesse derrière la création de Adam alayhi salam. Les anges demandent quelle est la sagesse. Pourquoi exactement Allah subhanahu wa ta'ala veut créer Adam? Pourquoi il veut créer Adam? Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, nous informe qu'il s'est adressé aux anges en leur disant, Sourate 2, verset 30, il leur a dit, je vais établir sur la terre un visage. C'est affiché en haut, là. Je vais établir sur la terre un visage. Un visage, ça s'appelle, c'est écrit ici, Khalifa, on a rabondi un calife. Un calife, là, un visage. Il a exprimé, l'Allah a exprimé son intention de créer Adam, alayhi salam, et sa progéniture, de laquelle une génération succédera à une autre, comme il est dit dans un autre verset. Sourate 6, Sourate Al-An'am, verset 165. Dans la Sourate Al-An'am, verset 165, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre. Et il a dit aussi, dans la Sourate 27, Sourate 27, verset 62, il a dit, et qui vous fait succéder sur la terre. Et qui vous fait succéder sur la terre. Là, on va ouvrir une parenthèse ou bien cette parenthèse. Non. Et j'oublierai pas de dire à Oxelafia ou à ceux qui n'ont pas les parents, de m'écrire un, toutes les 5 minutes, un. Des fois c'est toi, des fois c'est l'autre, et comme ça. Pour savoir que je suis, moi, je sache que je suis pas en train de parler dans deux vies. Inch'Allah, voilà, je vous fais. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je vais établir sur la terre un visage, un calife. Il n'est pas permis en islam de dire cette personne est le calife d'Allah, khalifat Allah. C'est pas permis. C'est pour ça que lorsque le prophète alayhi sallam est mort, on disait de Abu Bakr Siddiq, on disait de lui le calife de Rasulullah, le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le calife d'Allah. Personne ne peut être le calife, le khalifa d'Allah. Parce que calife, en arabe, ça veut dire succédeur. Or, on ne succède qu'à un mort. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mort, il ne meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas, donc on ne peut pas être son calife. Car on ne peut pas lui succéder. On succède à quelqu'un qui meurt, ou bien quelqu'un qui part. On ne sait pas où il part, on lui succède. Naam. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui succède à nous. C'est pour ça que il y a une invocation, un dua en islam, quand quelqu'un est en voyage, il dit une invocation, entre autres, il dit, ça commence par اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. Dans cette invocation, le musulman, ce qu'il dit, il dit beaucoup de choses quand il veut faire un voyage. Entre autres, il dit, c'est ça le témoin du Dhaf. c'est pas le témoin du cours. Entre autres, il dit Anta sahibu fi safar. C'est toi qui m'accompagne en mon voyage, c'est toi Allah. C'est toi qui m'accompagne en mon voyage, ou le khalifa tu fil al, et le successeur dans ma famille. Quand on va en voyage, on est sa famille, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va leur arriver. On ne sait pas s'ils vont avoir des malheurs, ou des maladies, ou des problèmes. Le musulman qui a le cœur, le croyant qui a son cœur toujours attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala, fait cette invocation en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'être quoi? D'être lui le successeur dans sa famille. C'est-à-dire que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, va, disons, s'occuper de gagner cette famille pour éloigner d'elle les problèmes, éloigner d'elle les malheurs, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien montré que il a dit aux anges qu'il allait créer, Adam, parce que de lui allait sortir sa progéniture qui allait se succéder. C'est l'un des buts de la création d'Adam. Pourquoi? Parce qu'ils vont se succéder. Maintenant, nous on meurt, ensuite il va y avoir nos enfants. Avant il y avait nos pères, avant il y avait nos grands-pères, après nos enfants. Il y aura leurs enfants, et comme ça, on va se succéder. Dil ba'dadil. On va se succéder. Dil ba'dadil. Et le grand but de la création d'Adam et de sa progéniture, c'est pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir ça, inshallah ta'ala, en détail. Donc, Adam, alayhi salam, a informé les anges au sujet du but de la création Allah a informé les anges au sujet du but de la création d'Adam, que la paix soit sur lui, et de sa progéniture. Alors les anges ont voulu plus d'informations au sujet de la sagesse divine derrière la création d'Adam. Bien sûr, sans aucun effet de protestation ou de dévaluation de l'espèce humaine, tel que ça pourrait être mal interprété par certains. Naam, les anges, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit « Je vais créer une personne, une créature humaine », ils ont voulu comprendre, yani par avidité de savoir, c'est tout, curiosité, avidité de savoir, ils ont voulu savoir et demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelle est la sagesse. On voudrait savoir quelle est la sagesse derrière la création de cette créature humaine. Alors ils dirent, je vais dire d'abord en arabe, dites ensuite en français. Ils ont dit أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم. Ils disent dans le Baqara, verset numéro 30. Ils disent, vas-tu y désigner quelqu'un qui mettra ou la sèmera le désordre et répondra le sang? C'est une question. Ils ont dit, c'est Allah qui nous a informé que tu allais créer une créature, c'est-à-dire Adam. Maintenant, on voudrait poser une question. Est-ce que tu vas donc créer quelqu'un qui sèmera le désordre et répondra le sang? Qatada, l'un des salafs, l'un des fils des compagnons, a dit que les anges, lorsque son Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, il dit, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répondra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? Il dit, en vérité, je ne sais ce que vous ne savez pas. Nam, El Sunna n'affiche que les versets que je lis. Pour que tu ne dévances pas, pour que tu ne dévances pas dans le daf. pourquoi les anges ont dit et ont posé cette question à Allah en lui disant, tu vas y désigner quelqu'un qui mettra le désordre et répondra le sang. Alors que tout le monde sait que la première créature, c'était Adam alayhi salam. Donc, est-ce que ils ont vu des hommes avant Adam et ces hommes, les créatures, ont semé le désordre et répandu le sang? Alors pourquoi en qui positif? Certes, on dit, en croit, Adam a dit que les anges savaient que cela allait être le cas. Avec les créatures qui vivent sur la terre sont individuelles. Certains ont dit qu'ils sont religieux et disent ça, tu vois, sous le fil, beaucoup de savoir, qui disent des situations à cause de cela, ils ne savent pas, c'est une autre que le djinn. Ici, c'est le djinn qui les est mécréant, on l'appelle le diable. Sinon, on l'appelle, les musulmans, on l'appelle un djinn. Ensuite, celui-là, après que tu l'as appelé toi, il dit que tu es là, il te répond à tes questions, etc. Et la plupart du temps, il rentre dans cette personne, il les fait tomber, elle tombe malade, etc. Si leurs femmes ne savent pas, je m'évanouis souvent, je ne sais pas ce que j'ai, je parle seul, etc. Alors que, ça veut dire qu'elle touche par ce prix. Elle a été touchée par ce prix. C'est nul. Rien n'est interdit de faire une chose pareille. Le moyen. Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, un compagnon du prophète, a dit: les djinns, les esprits, reprenez, si on y parle de djinns, si on parle de français, les djinns ont mis cela avant Adam, pendant 2 ans avant la création d'Adam, alayhi salam, il y avait quoi? Il y avait des djinns sur la terre. Alors, ils semèrent le désordre, et quoi? Et ils répandirent le sang. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala envoya une armée d'anges qui les expulsèrent vers des îles éloignées. Donc, il ne faut pas s'étonner, les anges aidés, que Allah, comment vas-tu désigner quelqu'un qui mettra le désordre et répondra le sang? Très simple, parce que avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne crée Adam, que la paix soit sur lui, il y avait sur la terre, il avait créé sur la terre les esprits. Les esprits ou les djinns, qu'on appelle les djinns en arabe, ont semé bien sûr le désordre et ont répandu le sang, ont tué, etc., ont fait des crimes, etc. Alors, les anges, quand Allah Ta'ala leur a dit, je vais créer Adam, ils ont cru qu'il allait créer la même chose. Ils allaient créer, yani, que Allah allait créer la même créature, comme les esprits, et qu'ils allaient semer le désordre, etc. Naam. Donc, avant de dire, avant de terminer, je reviens. Alors les anges dirent, alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier, c'est-à-dire, Ya Allah, ô Dieu, Ya Allah, vas-tu y désigner quelqu'un qui sèmera le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? En d'autres termes, alors que nous t'abandonnons et qu'un parmi nous ne te désobéit. Il voulait dire, Ya Allah, si tu veux la création d'Adam et de sa progéniture qui s'adore, alors nous sommes là, nous t'adorons jour et nuit sans repos. Naam. Vous savez, les anges adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans repos, jour et nuit. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, sourate At-Tahrim, verset numéro 6. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur ordonne et font strictement ce qu'il leur ordonne. Là, je vais voir ce verset aussi, il y a une seconde. Là, je vais voir est-ce qu'il est encore une seconde. Oui, c'est sorte Tahrim, comme j'ai dit, verset 6. Non, je ne sais pas, verset Tahrim. Donc vous voyez que les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qu'il leur ordonne et font strictement ce que Allah leur ordonne. Et Allah ta'ala a noté de sur le Coran, il a dit يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ. L'Anbiya, sur l'Anbiya, sur l'Anbiya, verset numéro 20. C'est-à-dire, les anges glorifient Allah nuit et jour, sans lassitude, sans jamais se fatigue. Nuit et jour, il ne s'arrête pas de faire la prière, de dire Subhanallah, de le glorifier, etc. Sans jamais dire qu'on est fatigué. Sans jamais dire qu'on est fatigué. Donc, ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Dieu, puisque tu veux créer une personne, une créature, pourquoi Yanni ne te suffit-tu pas à nous, nous qui ne faisons que t'adorer jour et nuit sans ton attitude. On ne voit pas pourquoi Yanni, tu vas créer une autre créature, et en plus de là, en plus de cela, cette créature va semer le désordre et répandre le sang. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Verset 30, Baqara. En vérité, je sais ce que je ne savais pas. Non, ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Non, les anges ne s'interrompent jamais, ni jamais ne disent on est fatigué, la satisfait, etc. Quant à la compte qu'ils ont posé cette question, il leur a répondu, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Là, je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse. Donc, d'après le Coran, la première créature humaine, c'est qui? C'est notre père, Adam, alayhi salam. On appelle en français Adam. Adam, alayhi salam, c'est la première créature sur le monde, mais humaine. Mais avant lui, il y avait d'autres créatures, mais ce n'était pas des humains. Il y avait des ifs, il y avait les djinns. Non, avant lui, il y avait les... C'est pour ça que les anges se sont basés sur ce que faisaient les esprits pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi tu vas créer quelqu'un qui va se mettre des ordres, etc. Mais là, la deuxième parenthèse, deuxième point, la première créature, c'est qui? C'est la première créature humaine, c'est Adam al-Sahab. Non. Quand la première créature en général, vous savez qu'il y a divergence, est-ce que c'est la plume, est-ce que c'est la plume, ou est-ce que c'est l'arche, ou est-ce que c'est le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. L'Albani al-Hamoud dit c'est la plume. Et d'autres, comme Salah al-Shir, Hafidallah, Hafidallah, disent c'est le trône. Non. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est que la première créature humaine, c'est Adam alayhi salam. Et pas seulement en islam, aussi, chez les chrétiens, chez les juifs, on dit que notre père est Adam alayhi salam. On dit pas qu'on dit que c'est au lieu de David, on descend du singe. Non, et le singe est de l'arbre. Il devient mécréant. Celui-là, c'est un mécréant. S'il meurt, il va rentrer en terre de Dieu sur terre. Parce qu'il n'a pas assisté que c'est Allah Ta'ala qui a créé les saints. Il a dit qu'on se dinge, il va être bactéré. Alhamdulillah, il a dit à Dana. Il nous a guidé et il nous a montré que la preuve avant qu'il ait été déclaré, c'est la preuve. La preuve elle est elle-même dans le Coran. Premièrement, avant la semaine, il y a un mot, c'est-à-dire ça dans le français. Quant au djinn, nous l'avions créé auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. 27, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a montré ici clairement dans ce verset que les esprits ont été créés avant qui? Avant Adam alayhi salam. Car Allah ta'ala a dit quant au djinn, nous l'avions créé auparavant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avant Adam, auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, en fait je sais ce que vous ne savez pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit qu'il avait le meilleur savoir au sujet du but de création, duquel eux n'avez aucun sens. Quand il a dit aux anges, en vérité, vous ne savez pas, il vous dit, il y aura des messages, il y aura des peuples. Pas, vous croyez, vous pensez, que des gens qui sèmeront le désordre et répondront le sang. C'est pour ça qu'on a dit, en vérité, ce que vous n'avez pas. Arrêtez, ce que vous n'avez pas. Après, ne savent pas, c'est qu'il y a un hadith, une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un des plus sûrs livres, des plus vrais livres après le Coran, le plus vrai livre après le Coran en islam, ça s'appelle le Bukhari. Dans ce livre, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit, je l'ai en arabe, donc je l'ai dit en français, « Yata'aqabuna sunnakum billaybi wa malikunna » Il a dit, le prophète a dit, il y a des anges qui se groupent en vous, c'est-à-dire qui viennent en vous défendre du ciel, bien sûr, le matin et le soir. Et ils se groupent, ces anges se groupent pendant la salat de l'après-midi, la salat l'as, la prière du matin, ils se groupent la prière du matin, et ils se groupent aussi pendant la prière du soir. ثم يعرض الذين باتوا فيكم et ceux qui ont passé la nuit avec vous, car il y a un groupe qui reste du matin jusqu'au soir et le deuxième groupe reste du soir jusqu'à la prière du matin. Il a dit ensuite, quand les anges qui ont passé la nuit, le premier groupe qui a passé la nuit avec nous montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal leur pose la question. Alors qu'il connaît la réponse, il leur pose une question. Il leur dit, comment avez-vous laissé mes créatures? C'est la réponse. Juste pour que, pour qu'ils sachent qu'ils se sont trompés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Tarknahum yusallun wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. On les a laissés en train de faire la prière de l'après-midi, et quand ils sont demain pour changer de groupe, on les a trouvés en train de faire la prière du matin. C'est comme si la banque leur a posé cette question, il leur dit comment les avons libérés, pourquoi vous leur prouvez que ce sont des anges quand on dit tu vas créer des créatures qui vont semer la terreur et répandre le sang. Allah Ta'ala leur dit comment vous les avez laissés, ils disent en train de faire la salat. Et quand on est revenu vers eux, ils étaient en train de faire la salat, la prière. Donc, en parenthèse, donc, ce que vous avez dit n'est pas vrai. Vous avez dit, ils vont semer la terreur, répandre le sang, alors qu'ils sont là en train de m'adorer, ils sont là en train de faire la prière. Et à ce qu'on était, que vous êtes trompés indirectement. Ensuite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a prouvé qu'ils savaient ce qu'ils ne savaient pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala expliqua, il va leur expliquer quelle est l'éminence et la prédominance de cette créature qui est Adam sur les anges. Naam. Pourquoi va-t-il créer Adam? C'est sûr qu'il a une prédominance sur les anges. Naam. Et quelle est cette prédominance? Il va leur la montrer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, verset 31, et il apprit à Adam, à Adam, et il apprit à Adam les noms des choses. Et il apprit à Adam les noms des choses. Un compagnon du prophète Al-Sulam a dit, quels sont les noms que le Subhanahu wa Ta'ala a appris à Adam? Il a dit, ce sont les noms des choses à travers lesquelles les gens reconnaissent les choses et communiquent dans leur vie quotidienne, qu'elles soient grandes ou petites, telles que les êtres humains, les animaux, la terre, les contrées, les mers, les montagnes, le chameau, l'âne, et tous ces noms. Donc l'Allah qu'il a créé Adam alayhi salam, maintenant il va montrer aux supérieurs à eux les temps, au mois des noms, je vois si vous êtes véridique. Et on n'est pas arrivé là. Et il a pris à Adam les noms de toutes choses. Et il a pris à Adam les noms de toutes choses. Quels sont les noms qu'il a pris? Certains ont dit le nom de toutes les choses. D'autres ont dit, il lui a pris les noms des plats et des pots. Il lui a pris les noms de chaque animal, chaque oiseau, chaque chose. La même explication est aussi citée par Saïd ibn Jubayr et par Mujahid. Cependant, l'opinion préférée est que Allah subhanahu wa ta'ala a appris à Adam le nom de toutes les créatures et leurs fonctions, que ce soit les plus petits des objets ou les plus grands, comme cela est adopté par Adam. Et il a appris à Adam le nom de toutes les choses. C'est-à-dire, Adam, regarde, tu vois cette boule qui est en haut, jaune, ça s'appelle le soleil. Cette chose s'appelle le ciel. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est la mer. Ça, c'est la terre. Ça, c'est un caillou. Et comme ça, il a appris à Adam le nom de toutes les choses, bien sûr, les choses qui est ce moment-là, en ce moment-là. Quand il aura appris cette chose, on est présent en mémoire de ces choses-là qui nous êtes véridiques. Verset 31, il présente aux anges, ça dit que ça non. Il dit, permettez-nous de la libérer. Là, vous, les gens, si vous êtes vraiment véridiques, vous êtes dans le vrai, permettez-moi. Dites-moi comment s'appelle cette boule jaune. Dites-moi comment s'appelle cette eau qui est la mer. Dites-moi comment s'appelle cette chose. Dites-moi si vous êtes véridiques. Al-Hassan Basri a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala projeta de créer Adam, les anges se sont dit, notre Seigneur ne crée aucune créature qui sera mieux informée que nous. Alors ils furent mis à l'épreuve. C'est ça qu'il leur a dit, si vous êtes véridique, informez-moi. Alors ils dirent quoi? Dans le verset 32, sur le Baqara, verset 32, ils dirent, gloire est à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est l'omniscient, le sage. Naam. Cela veut dire, tu es glorifié. Personne ne pourrait acquérir de ton savoir, sauf ce que tu apprends. Naam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a appris à Adam les noms, il a testé les anges. Il leur a appris alors, un animal de l'Amazonie, je ne sais pas d'où, que je n'ai jamais vu. Et tu vas me dire comment s'appelle cet animal. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te donner ton nom. Il faut que tu m'apprennes, que tu me dises ton nom, c'est telle chose. C'est ça qu'on apprend à l'enfant. On lui dit un verre. Ça, c'est la montre. Ça, c'est le livre. Et comme ça. Donc les anges ont reconnu. Ils ont dit gloire est à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi, certes, c'est toi l'omniscient, c'est toi le sage. Naam. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset 255, Baqara, toujours 255, il a dit, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que de ce qu'il veut. C'est-à-dire que personne ne peut savoir une chose que si Allah subhanahu wa ta'ala la lui apprend. Naam. Qui connaît tout, personne ne peut savoir de sa science et embrasser de sa science que ce que Allah Ta'ala veut lui apprendre. Puis, quand celui-ci les eut informés de ses noms, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas pu répondre, Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit à Adam, il a dit, réponds-toi, dis-leur comment s'appelle cette chose et cette chose. Et quand Adam alayhissalam les a informés de ses noms, Allah a dit, ne vous ai-je pas dit, dans le verset 30, sourate al-Baqara, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, je sais ce que vous dites et crachez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, informez de ses noms, informez, leur apprends aux anges que cette chose s'appelle le soleil, la terre, la mer, les étoiles, la lune, etc. Quand celui-ci s'est informé de ses noms, Allah Ta'ala a dit, oh, ne vous a dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Pardon. C'est-à-dire, ce serait et le caché de cette existence, comme je sais le connu et le plus manifeste de chaque créature. Non. Et c'est là que Allah Ta'ala a dit, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner à Adam, dans le verset 34, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception de Satan, à l'exception, il s'appelle Iblis en arabe, donc on l'a appelé Iblis, à l'exception de Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles, et fut parmi les infidèles. Avant de continuer, je reviens juste en arrière, pardon, pour ouvrir une parenthèse. Abdelaziz, tu m'écris pas le numéro 1 pour me dire que... Non, ça fait rire. Je disais que vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala a appris à Adam le nom de toutes les choses qui existaient au temps, en son temps. Il a créé Adam. Et que les gens, c'est Allah leur a posé la question. Dites-moi comment ça s'est fait sur cette chose. Ils n'ont pas su répondre. Donc Allah ta'ala, il leur a montré que Adam alayhi salam était mieux qu'eux. C'est pour ça qu'il a, quand il a demandé à Adam, il a répondu. Il a dit cette chose s'appelle ainsi. Et bien sûr, c'est Allah ta'ala qui lui a appris. Les savants, de nos jours, divergent sur l'origine des langues. Comment est venue la langue? Et ceux et celles d'entre vous, qui sont passés par le lycée, et qui sont passés plus particulièrement par la terminale, et plus particulièrement par la terminale littéraire. Hein? Sûrement étudié dans la philosophie, le livre de philo, vous avez sûrement étudié dans le chapitre les langues. L'origine de la langue. Car certains disent que c'est Allah nous a appris. Et certains disent que ce sont les personnes d'elles-mêmes qui ont appris à parler. Non. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, le plus juste, et là c'est l'avis de l'un des grands savants qui s'appelle Imam Shawkani, c'est que les deux facteurs entrent en jeu. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, c'est lui qui d'abord nous a appris quelques noms par l'intermédiaire de Adam, il lui a appris le soleil, la terre, etc. Adam et Hawa, Eve, ont appris à leurs enfants. Et deuxième facteur, c'est que les gens eux-mêmes ont aussi appris beaucoup de mots. C'est-à-dire, ont rentré des mots nouveaux dans le lexique. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a appris à Adam les noms, il n'a pas appris les noms des choses qui n'étaient pas en ce temps. Il n'a pas parlé, par exemple, du PC, du laptop, de la fusée, de la voiture. Il lui a parlé des mots, les noms qu'il y avait lorsque Adam alayhi salam était vivant. Et donc, l'origine de la langue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui a appris à Adam l'origine et les mots dont il avait besoin. Ensuite, les gens ont ajouté. C'est ça que vous trouvez des gens qui disent ça. Moi, peut-être j'ai un lexique français. Par exemple, qui vient que 100 mots ou 200. Lorsqu'il a un lexique qui contient 2000, 3000, et comme ça. Donc c'est ça, la vie, Inch'Allah, c'est le plus sûr que les deux facteurs sont rentrés dans cette chose. Alors, lorsque les anges n'ont pas su répondre, Inch'Allah Ta'ala leur a montré la supériorité d'Adam, il leur a demandé de se prosterner. Et tous les anges se sont prosternés, et sauf d'esprit, sauf le Dieu, sauf Iblis, Satan n'a pas pu le faire. Il s'est enflé d'orgueil et il est devenu mécréant. On remarque ici, eh bien j'ouvre une petite parenthèse pour dire. Donc, la vraie supériorité et la prédominance, c'est lorsqu'on apprend quelque chose d'Allah et de la religion. qui n'ont pas seulement, par exemple, la richesse, ou là, parce qu'on est riche, ou là, on est beau, ou là, on est fort, ça veut dire qu'on est supérieur aux autres. Ça, c'est une valeur. C'est trois choses, la richesse, la beauté, la puissance. Ce sont des valeurs, yani, d'ici-bas. Mais, chez Allah, subhanahu wa ta'ala, la vraie prédominance, c'est quand on a la science. On a la science, on a le rime, on a la science de Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith authentique, il a dit, من يريد به الله خيرا يفقهه في الدين. Il a dit, quiconque, quiconque, Allah Ta'ala, Allah c'est Dieu, quiconque, Allah Ta'ala lui veut du bien, il lui apprend sa religion. Non. Vous remarquez que je dis Allah, je ne dis pas Dieu, parce que Allah c'est un nom propre. Comme moi je m'appelle par exemple Mohammed, l'autre il s'appelle Karim, l'autre il s'appelle Omar. Allah Ta'ala a des noms, il a plus de son nom. Son plus beau nom, c'est Allah. Alors que si tu dis Dieu, Dieu ça peut être un arbre, ça peut être une statue, ça peut être une femme, ça peut être... Non, ça c'est Dieu. On dit que celui-là, le dollar. Son Dieu c'est le dollar. Lorsqu'il adore les femmes, son Dieu c'est les femmes. Lorsqu'il a un arbre, il va... devant un arbre, il commence à lui faire des invocations, à demander à l'arbre de l'aider, etc. D'autres font des invocations comme on aime, aux vaches, etc. Ils demandent à la vache de l'aider, etc. Donc, cette vache, c'est son Dieu. Mais quand je dis Allah, je l'ai appelé par son nom propre, Allah, en général. C'est ça la grande différence. Donc, je voulais dire, Iblis, c'est un djinn. Les musulmans, contrairement à d'autres chrétiens, qui prêtent, c'est un ange. Alors que les anges, nous disons, Inch'Allah, ça sont ne pourrait être qu'un ange. Naam. Je vais parler, Inch'Allah Ta'ala, de cette chose. Naam. Je vais parler de cette chose. Iblis, yani Satan, est-ce que c'est un ange ou un djinn? Je voulais dire, pour revenir un peu en arrière, je disais que, donc, la vraie prédominance, la grande valeur, c'est que quand on connaît sa religion, ce n'est pas quand on est tellement fort ou là beau ou là on est un grand responsable. Ça peut ne nous rien, ne nous servir à rien. Ça nous sert ici dans ce bas monde, machallah, on a beaucoup d'argent, on achète, on construit, etc., etc. Et puis on meurt, c'est l'enfer. On meurt, c'est l'enfer. Il faut que quelqu'un apprenne sa religion, ça veut dire qu'il sait comment adorer le subhanahu wa ta'ala. Donc il sait comment marcher sur le chemin qui va mener vers le paradis. Le chemin qui mène au paradis. Bien sûr, cela n'empêche pas quelqu'un qui soit pieux, qui adore Allah dans cette vie, ça n'empêche pas qu'il soit fort, beau ou riche. Ça n'empêche pas, il n'y a pas de contradiction. Je suis beau, j'adore Allah, je suis riche, j'adore Allah. Ça, il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, « Ni'mal mal salih il abdi salih. » Il a dit, si quelqu'un est pieux et qu'il a de l'argent, il a beaucoup d'argent, il a dit, c'est bien, masha'Allah. Je le félicite ou je l'encourage. Non, quelqu'un qui est pieux et qui en même temps, il a de l'argent, il a beaucoup d'argent. Là, sûrement, il va aider les pauvres, il va construire des mosquées, il va faire beaucoup de choses que l'autre parent aime. Et peut-être que c'est mieux que quelqu'un qui est pauvre. C'est mieux que quelqu'un qui est pauvre en ce sens. Il a quelque chose de plus avec laquelle il va aider. Donc, je disais que la vraie prédominance, c'est quand on connaît notre religion et quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas seulement quand on a tout le monde, tout le bas monde, on l'a, ensuite quand on meurt, on n'a rien. À quoi ça me sert d'avoir vécu 60 ans ou 70 ans, disons 100 ans, et quand je meurs, c'est l'enfer et c'est éternel. Et je n'aurai rien là-bas. Si c'était à choisir, je préférais choisir d'être ici pauvre et avoir tout là-bas quand je meurs. Si c'était à choisir. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas interdit en islam d'avoir les deux. D'être riche et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ce n'est pas interdit en islam. Donc, ici, lorsqu'Allah ta'ala a prouvé la suprématie de l'être humain sur les anges, entre parenthèses, à cause de la science, alors il a demandé aux anges de se prosterner. Tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis, sauf Satan, n'a pas voulu se prosterner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat al-Hijr, Surat 15, verset 29-31, il a dit, et dès que je l'aurai harmonisé, il parle aux anges de Adam, il dit, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et que je lui aurai insufflé mon souffle de vie, alors je vais vous prosterner devant lui. Non. Je répète, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, il parle de Adam, dès que je l'aurai harmonieusement façonné, et que je lui aurai insufflé mon souffle de vie, alors jetez-vous prosterné devant lui. Il dit aux anges et aux djinns, à Iblis qui était avec eux. Non. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, il lui aurait insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Donc, Adam al-Salam a eu quatre honneurs, quatre grands honneurs. Premier honneur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec sa main. Allah ta'ala l'a créé avec sa main. Allah ta'ala c'est Dieu. Il aurait pu ne pas le créer avec sa main. Il aurait pu lui dire soit, il aurait été. Seulement il dit soit. Il dit une chose qui n'existe pas. Il lui dit soit, elle existe. Mais Allah ta'ala, pour l'honorer, il l'a façonné avec sa main. Premier honneur. Deuxième honneur, il lui insuffla, ou bien il insuffla en lui, l'âme qu'il avait créée pour lui. L'âme. Allah subhanahu wa ta'ala insuffla, c'est le deuxième honneur. Il insuffla en Adam l'âme qu'il avait créée. L'âme. Auparavant, Adam, c'était quoi? C'était de l'argile. L'âme. Disons une statue. Ensuite, Allah ta'ala, quand il lui a insufflé une âme, à l'intérieur, et on va voir après comment il lui a insufflé en détail. Il est devenu vivant. Donc voilà le deuxième honneur. Et quand on dit lui insuffler de son âme, ce n'est pas de son âme. L'âme, c'est-à-dire qui est en Allah. Ce n'est pas en son âme. Comme moi, j'ai quelque chose en moi. Non. L'âme que Allah Ta'ala a lui insufflé, c'est une âme qu'il a créée. Comme Allah Ta'ala a créé les cieux, la terre, les êtres humains, le soleil, les étoiles, il a créé une âme. Et cette âme, il l'a insufflé à Adam et l'a insufflé à toutes, à nous tous. C'est pour ça qu'on en meurt. Qu'est-ce qui va passer? On rend l'âme à son propriétaire qui est Allah, c'est tout. Il y a des anges qui vont venir, ils vont prendre ce dépôt qui est en nous. C'est quoi? C'est l'âme que Allah Ta'ala a créée immortelle. Allah Ta'ala a créé une âme immortelle. Il l'a mise dans Adam et ensuite il l'a mise dans nous tous. C'est pour ça que quand on meurt, les anges vont retirer cette âme et la faire monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous, quand on ressuscite, quand on va ressusciter, il va nous faire rentrer cette âme une deuxième fois en nos corps. Ensuite, certains, bien sûr, iront au paradis et resteront éternellement car l'âme reste éternelle. Et d'autres iront en enfer et y resteront éternellement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. Je voulais dire ici. Pourquoi j'ai dit cela? Certains croient que l'âme qui est en nous, ou la l'âme qui a insufflé Allah subhanahu wa ta'ala à Adam, c'est l'âme yani personnelle. L'âme est une partie d'Allah. Ça c'est faux, bien sûr. Sinon, on serait un peu Dieu, on serait un peu Allah, car on a une partie de lui, c'est-à-dire on a son âme, on a une partie de son âme, c'est impossible. On n'a rien de Allah, et lui, il n'a rien de nous. On est séparés. Nous, c'est, on est des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Non. Donc, j'avais dit, ce sont les quatre grands honneurs. C'est pour ça que quand Adam a rencontré Moïse dans l'assemblée exaltée, ils eurent un dialogue. Moïse a dit, tu es Adam, le père des hommes qu'Allah a créé avec sa main. Insufflé en toi l'âme qu'il avait créée pour toi, a ordonné à ses anges de se prosterner devant toi et t'as appris le nom de toutes les choses. Naam, ce sont des quatre honneurs. Moi, je ne les avais pas terminés. Les quatre honneurs, donc, ce sont, il le créa avec sa main, il insuffla en lui l'âme qu'il avait créée, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui et il lui a appris les noms de toutes les choses qui étaient, qui existaient, cramées en ce temps. Maintenant, chapitre, la jalousie de Satan vers Adam alayhi salam. La jalousie de Iblis envers qui? Envers Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, et on va montrer s'il reste du temps, sinon c'est la prochaine fois. S'il reste du temps, on va prouver que quoi? Que Iblis, que Satan n'a jamais été un ange. Naam, n'a jamais été un ange. Ça va venir, inshallah ta'ala. Tout ça, c'est pas aujourd'hui, dans le prochain cours, inshallah ta'ala. Maintenant, on va parler de la jalousie de Satan et de Iblis. Allah ta'ala a dit, dans d'autres versets, c'est-à-dire, sur l'A'raf, Surah numéro 7 et verset 11-12. Surah numéro 7, verset 11-12. Sur l'Araf, verset 11-12. Allah Ta'ala a dit, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, à l'exception de Satan, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Alors Allah a dit à Satan, alors qu'il connaît la cause, mais lui pose la question. Allah Ta'ala connaît tout. Il pose la question juste pour Yannick, qu'elle sorte de ta bouche, pour que Yannick, ça sorte de ta bouche, la réponse. Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception de Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Alors Allah a dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je t'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Je suis mieux, je ne me... Ne prosterne pas à Adam. Je suis mieux que lui. La preuve, tu m'as créé de feu, alors que Adam n'a été créé que de terre et d'argile. Non, c'est pour ça que je vais. Rahimahullah a dit, en commentant ces versets, lorsque Allah Ta'ala a dit, qui t'empêche de te prosterner quand je t'ai commandé? Il a répondu, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu es d'argile. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, en commentant ces versets, a tiré des conclusions, a dit, Iblis, Satan, a tiré des conclusions analogues. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré des conclusions analogues. C'est-à-dire, et les bien finis à faire cela. Premier, a tiré des conclusions analogues. Ni le soleil, ni la lune ne furent adorés qu'en résultat des conclusions analogues. Comme ça dit Mohamed ibn Sirin. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges et à Satan qui étaient avec eux, qui adoraient Allah avec eux, avant qu'ils deviennent Satan, qui était un esprit et tout, il leur a dit, prosternez-vous à Adam, à cette créature. Les anges se sont prosternés, mais Satan a voulu faire de l'analogie. Ça s'appelle en arabe, qiyas. Il a voulu faire de l'analogie. C'est-à-dire, il a voulu faire travailler, yani il a voulu raisonner. Masha'Allah, il s'est raisonné. Il a dit, je vais faire une petite comparaison. Cette personne a été créée d'argile et d'eau. Et moi, j'ai été créé de feu. Comment quelqu'un qui a été créé de feu va se prosterner à quelqu'un qui a été créé d'argile? Ça ne s'est jamais vu. C'est même une faute. C'est faux. C'est faux de faire cela. C'est-à-dire que Satan montra le point de conclusion analogue entre lui et Adam. Alors, il se fut vu plus noble qu'Adam. Alors, il refusa de se prosterner devant lui. Alors qu'en fait, cet ordre était divin. qu'Allah Ta'ala qui choisit de se prosterner. Et le même ordre a été donné aux anges. Pourquoi les anges se sont vite, yani, ont vite obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et se sont vite prosternés? Et pourquoi toi, Satan, tu ne veux pas te prosterner et tu as fait de l'analogie? Non. Ensuite, si l'analogie, le qiyas, s'il était, c'est une supposition, c'est tout. Si l'analogie était préférée au texte, alors cette analogie devient nulle, comme le dit la règle. Que dit la règle? Car la règle dit que n'importe quelle analogie, si elle est contrariée par un texte, elle devient nulle et non avenue. Non. S'il y a un verset qui dit une chose, ou bien il y a un hadith d'un prophète qui dit quelque chose, il y a avec ce verset et ce hadith, il n'y a aucune analogie qu'on peut faire. Non. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit une chose. Son prophète t'a dit une chose. Toi, tu vas laisser l'ordre divin et l'ordre du prophète et tu vas faire de l'analyse pour arriver à une conclusion. Jamais ça ne se passe. Donc, Iblis, Satan, en faisant cette analogie, est arrivé à une fausse conclusion. Il apprend que la poussière, non, il a fait que le feu est mieux que la poussière. Car dans la poussière, d'après lui, d'après Satan, le feu est mieux que la poussière. Alors que il a été prouvé que la poussière, dans elle, dans la poussière, il y a des qualités de sérénité, de bonté, de persévérance et de grandissement. Alors que dans le feu, il y a des qualités de frivolité, d'impatience, de hâte et de brûlure. Non. C'est pour ça que l'éminent savant, Ibn Hazm, l'éminent savant, a dit en islam, il n'y a pas d'analogie. Non, je ne reconnais pas l'analogie en islam. Alors que l'avis le plus sûr, c'est qu'il y a l'analogie en islam. Il y a l'analogie, mais quand il n'y a pas un verset ou un hadith. Non, c'est pas, il y a un verset, il y a un hadith, je les laisse de côté, je laisse l'analogie. Si je fais comme ça, je m'égare. Comme a fait Satan exactement. Non. Il a fait l'analogie, il a dit, moi, j'ai créé le feu, or le feu est mieux que la terre, or, Adam a été créé de terre. Dans conclusion, je suis mieux que Adam. Ça, c'est une fausse conclusion. Parce que tu as un texte qui te dit, prosterne-toi et ne cherche pas à comprendre. Prosterne-toi et ne cherche pas à comprendre. Ça nous va pour adorer, pour lui obéir quand il nous dit, c'est cette chose. Or, il s'est dit, prosterne-toi, n'essaye pas de comprendre et de faire l'analogie. Et je voulais dire, pour les disais que l'analogie, en islam, il y a différentes sortes d'analogies, bien sûr. Pour que l'analogie soit juste, pour que la conclusion soit juste, la première condition, c'est qu'il ne faut pas qu'elle contredise un verset ou bien un hadith. Et deuxièmement, il faut qu'on ait une chose sur laquelle on se base. Ensuite, on doit avoir la même cause pour arriver à la même conclusion. Je donne un exemple très simple. Quand Allah t'a dit qu'il ne fallait pas dire en Oran ouf. En islam, aux parents, on ne peut même pas dire ouf. Comme ça. En Oran. Donc, par analogie, il est interdit de les frapper et de les insulter. Ça, comment je l'ai dit? Par analogie. Il n'y a pas un verset où il est dit n'insulte pas tes parents, et là ne les gronde pas, etc. Mais le verset a dit seulement ne dis pas ouf. Donc par analogie, j'arrive à la conclusion que il est interdit de les inciter encore moins de les frapper. Donc un autre exemple. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. Je fais une analogie pour arriver à la conclusion que la drogue est interdite. Pourquoi? Parce que j'ai l'alcool qui est interdit. Alcool, jugement, interdiction. Cause. Pourquoi la cause? Parce que ça rend sous, ça inhibe. Et quand je suis sous, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je dis. Or, j'ai été créé pour adorer Allah. Or, je ne peux pas l'adorer tout en étant sous. Au lieu de faire la prière, de dire Allah Ta'ala, Allahu Akbar, et de le glorifier, et de le remercier, je vais l'insulter. Pourquoi? Parce que je suis sous. C'est pour ça que quelqu'un qui est sous, que c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Il peut insulter sa mère, il peut faire la fornication avec sa sœur, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Non. Donc, maintenant, si je vois la drogue, il n'y a pas un verset qui dit elle est interdite. Et si je vois la drogue, je la compare avec l'alcool, je trouve que la drogue contient la même cause, c'est-à-dire que ça m'énivre, ça me rend sous, je ne sais pas ce que dit, je ne sais pas ce que dit, je vais rentrer dans les vagues. Donc, conclusion, je vais dire la conclusion par analogie, je vais dire donc la drogue est quoi? Est interdite. Et je dirais même plus interdite que l'alcool. Car l'alcool, beaucoup de gens ont pu la délaisser facilement, mais la drogue, c'est très difficile de la délaisser. On peut tuer à cause de la drogue, on vole de l'argent, on vend ses enfants. Si quelqu'un a un enfant, il peut le vendre pour aller acheter de la drogue. Non. Mais ces choses-là, la drogue, l'alcool, ces choses-là, on ne peut en fait s'en délaisser et s'en éloigner que si on a la foi dans le cœur. Avec la foi, tout est possible. Regardez aux États-Unis, dans les années 50 ou les années 30, je ne sais pas exactement quand, ils ont pris une décision, l'État a pris une décision aux États-Unis et a décrété un décret comme quoi c'est interdit de fabriquer l'alcool et de le boire même. C'est interdit. Non. Il a resté comme ça 2 ou 3 années, ensuite ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu résister. Ils ont annulé la loi. Et les experts qui ont fait des recherches ont dit jamais, jamais l'alcool n'a été bu comme dans les années où elle a été interdite. Où elle a été interdite aux États-Unis. Non. Alors qu'en islam, quand tu sais que c'est interdit, et quand tu sais que si tu bois l'alcool ici, et tu vas mourir sans faire le repentir, je dis sans faire le repentir, que c'est grave pour toi. Drogue et alcool, bien sûr. Quand quelqu'un prend de la drogue ou bien boit de l'alcool et meurt sans avoir fait le repentir, premièrement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra, quand il sera ressuscité, au lieu de venir avec les musulmans, il viendra avec les adorateurs des statues. Premièrement, pourquoi? Ça vaut une question. Pourquoi il ne viendra pas avec les musulmans alors que c'était un musulman? Parce qu'il boit de l'alcool et qu'il reconnaît que l'alcool est interdit, il y a un interdit illicite en islam, celui-là il est toujours musulman. Il n'a pas dit je dis que l'illicite. Il a dit je reconnais que c'est pourquoi il avec les adorateurs de l'espace. Pourquoi? La raison est très simple, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre lui et celui qui a adoré la statue. L'autre qui a adoré la statue, il ne pouvait pas, c'est loin, elle est toujours à lui, collée à lui, en train de lui faire des invocations. Et l'autre aussi, il est toujours avec sa bouteille. Il ne peut pas s'en éloigner, c'est un alcoolique. Un alcoolique, il faut toujours de l'alcool, matin et soir, ou là, je ne sais pas quand, il ne peut pas s'en éloigner. Et n'a pas fait le repentir, lorsqu'il rentrera au paradis, s'il est musulman, il ne boira pas l'alcool du paradis, comme châtiment. Non. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala t'a dit, ne bois pas ici, et là-bas au paradis, je t'ai préparé des fleuves d'alcool, des fleuves de vin. Des fleuves, c'est pas des verres, c'est pas un litre. Des fleuves de miel, des fleuves de lait, des fleuves d'alcool, comme c'est cité dans le Coran. Il t'a dit, alors patience, accorde moi, patience. Je n'aime pas que tu bois ces choses-ci. Je n'ai pas tout privé. Des mares, au paradis, fleuves. À beaucoup de gens, non, je préfère la boire ici. Alors tu la bois ici, tu ne sais pas la ressentir. Il n'y aura pas l'alcool dans le paradis. Et ce sera vraiment bon. Il reste 5 minutes, Allah Ta'ala, pour que je termine dedans. D'une boule à l'air que j'ai harmonieusement formée et que je lui aurais insufflé mon souffle de vie, alors jetez-vous trop devant lui. Alors les anges n'étaient pas ensemble, excepté Satan, excepté Ibis qui refusa avec lui. Ça lui dit, oh Satan, pourquoi il est utilisé sa vie pour entrer par les Christ, extraite d'une boue malléable. Et Allah Ta'ala a dit, alors sors de là, car tu vois la bannie et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Naam, sourate 15, verset 28-35. Verset 28-35. Iblis, Satan, a mérité ce traitement de la part d'Allah parce qu'il s'est comporté avec arrogance vis-à-vis d'Adam. Il a, en présentant des excuses futiles, quand j'ai été créé de feu, alors que lui, il a été créé de terre. Les excuses étaient pires que ses péchés, comme l'a cité le Coran. Non, les excuses étaient pires que le péché, comme l'a cité le Coran. Le Coran a cité dans le verset 65, sur cet Isra. Le Coran a dit, et alors on dit, mange, prenez-vous, soit qu'on dit, c'est le reste, ou en quinze d'avis. Il dit encore, c'est lui que tu as adoré au-dessus de moi, si tu me donnais un rire, à Allah, jusqu'au jour de la résurrection, alors j'éprouverai sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Allah Ta'ala lui répondit, va-t'en, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une longue rétribution. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, ensuite, toi, Iblis, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, Allah Ta'ala dit, tu n'auras aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffit pour les protéger. Naam. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique dans Sahih Muslim, a dit, les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés d'une flamme ou bien de la flamme d'un feu sans fumée. Et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. Naam. Je répète, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges ont été créés de lumière. Naam. Et les djinns, les esprits, ont été créés de feu, c'est-à-dire de la flamme d'un feu sans fumée. Et Adam, c'est-à-dire l'être humain, a été créé de ce qui nous a été décrit. Qu'est-ce qui nous a été décrit? Allah Ta'ala a dit, écris-moi ce verset basse logique. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Mu'minun, verset 12. Sourate Al-Mu'minun, verset 12. Il a dit, ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Écoutez-moi ce verset d'abord, barak Allah fik. Je reviens en arrière. Ce hadith montre très bien que les créatures se divisent en trois groupes. Les créatures les plus importantes. Les anges qui ont été créés de lumière, c'est pour ça que les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas, ne se marient pas. Ensuite, les djinns, les esprits, et entre autres, Satan, etc., ont été créés de la flamme d'un feu sans fumée. Et Adam a été créé, comme l'a cité le Coran, c'est-à-dire, ensuite nous avons fait du sperme. Non, il manque quelque chose avant. Il manque un verset avant celui-là. Non, soit c'est croyant, mais il manque un verset avant celui-là. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Et nous avons créé l'être humain d'argile, de quelque chose d'argile. Ça doit exister comme ça dans le Coran. Ensuite, il a dit, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. Ensuite, on a fait de lui un sperme. Ah, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme, voilà, dans un reposoir solide, c'est-à-dire à l'intérieur de la femme. À l'intérieur de la femme, où il y a un reposoir où le bébé va se reposer solidement. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Naam. Sourate 23, pardon, sourate numéro 12, verset numéro. Voilà. Sourate 23, verset 12, 13, 14. Naam. 12, 13, 14. Je vais donner maintenant les preuves que Iblis, Satan, n'a jamais été un ange. Je vais donner les preuves que Iblis n'a jamais été un ange. Non, ou bien je préfère, puisqu'il est exactement 23h, il est 23h ici au Koweït, je préfère, Inch'Allah Ta'ala, m'arrêter ici pour laisser aller le temps aux questions, premièrement aux questions, et on continuera, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, on s'est arrêté exactement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il a dit que les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés de la flamme d'un feu sans fumée et que Adam a été créé d'après les versets que nous on a été créés d'après les versets que vous venez de voir, sauf Adam qui a été créé directement façonné par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là j'ouvre une petite parenthèse. Je n'aime pas. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Adam alayhi salam, pardon, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges ont été créés de lumière, il est étonnant que certaines personnes, et même des musulmans, si ce n'est pas beaucoup de musulmans même, non, les anges ont créé de lumière, les djinns ont été créé hors de feu, desséché, et Adam a été créé de ce qui nous avait été décrit. La doctrine chrétienne nous apprend que Satan était un ange. Si ça me rejette cela, quand on a été chrétien, les gens ne disent jamais, et désolé, jamais à Satan, lui a désolé. Donc c'est une chose qui ne pouvait pas être un ange. Al-Sunnah, ne me précède pas, Barakallahu fik. J'ai préféré laisser ça pour le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Il y a au moins trois délais, au moins trois preuves que Satan n'était pas un ange. La première, Abdullah, Sautak, Barakallahu fik. La première preuve, c'est que quoi? La première preuve, c'est que Satan n'a pas à désobéir. Non, Satan a désobéi. Allah Ta'ala a dit, prosterne-toi, il a dit non, je ne prosterne pas. C'est la première preuve. Alors que les anges, on a vu un peu plus haut, que Allah Ta'ala a dit qu'il ne désobéit jamais Allah. La deuxième preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, puisque dans ce hadith, il est dit que les anges ont été créés de lumière, alors que nous, on sait que Satan a été créé de feu, d'une flamme, a été créé d'une flamme, d'un feu sans fumée. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu. Il a dit, comment, j'ai été créé de feu, je vais me prosterner à quelqu'un qui a été créé d'argile. Donc, c'est la deuxième preuve. Et il y a deux autres preuves. La troisième preuve, c'est que Allah ta'ala a dit, ils se sont prosternés sauf Iblis. Iblis était des djinns. C'était comme ça. Il est très clair le Coran. Il a dit Iblis était des djinns. C'était des djinns, des esprits. Et il a dit Il a été pervers. Alors que les anges ne sont jamais pervers. Et dans le même verset, il a dit أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِهِ. Et vous le prenez, lui et sa descendance, lui c'est le djinn, Satan. Vous allez le prendre, lui et sa descendance, sa progéniture, comme des alliés contre moi, alors qu'on sait que les anges ne se marient pas et n'ont pas de descendance. Alors que Satan, Allah Ta'ala dit de lui, vous allez le prendre, lui et sa descendance, comme alliés contre moi, donc Iblis, Satan, se marie, n'am, et a des descendants, a des enfants, etc. On va le voir ça, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain daf. N'am, j'arrête ici, je dis, Subhanakallahumma wa bihamdik, je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, maintenant, pour poser vos questions, Inch'Allah Ta'ala. On commence directement, sans perdre de temps, Abu Maryam, 22, tafadhal. dans le micro, si tu veux. Inch'Allah, directement au micro, il l'a posé directement. Et je voudrais savoir, je voudrais que vous me confirmiez, avant cela, est-ce qu'il y a le sang? Écrivez-moi un barclay. Écrivez-moi un. Alhamdoulilah. Je voudrais que vous me confirmiez qu'il n'est bien sûr pas pareil qu'ici quant au goût, mais aussi qu'il ne donne aucune nausée. Quand c'est le 20 décembre. Jazakallahu khair. Naam. Jazakallahu khair. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Mathalul jannati allati u'ida al-muttaqun. 15. Donne-moi ce. Affiche-moi ce verset, Barakallahu fik. 15. 15, sourate Muhammad. 15, sourate Muhammad. D'abord, je commence par afficher, ensuite, j'explique. 15, sourate Muhammad. Tu l'as affiché 15 sur Mohamed. Non, je vais attendre que tu l'affiches d'abord, ensuite je parle. Le du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y aura là pour eux. Naam. C'est le verset. Attends, c'est quel numéro ce verset? Voyez. C'est quel numéro ce verset? C'est le verset 47. Naam. 47. Sourate Muhammad. Verset 47. Sourate Muhammad. Voyez. Écrit 47. 47 sourate Muhammad. Donne-moi, Inch'Allah, maintenant le verset. Naam. Donne-moi le verset. Al-Waqi'a 19. Parce que Allah Ta'ala a dit des akwabin wa barik al-fidmain la yusadda'una anha wa la yunzifun la yusadda'una anha wa la yunzifun. Si tu peux un peu auparavant, yatufu alayhim wildanun mukhalladun, si tu peux, yani verset numéro 17 jusqu'à 19 Al-Waqi'a 17-19 Al-Waqi'a, naam, 17-19. Donc, comme a dit mon frère, le vin du paradis et toutes les choses du paradis en général, pas seulement le vin, ne ressemblent en rien aux choses de ce bas monde. Que ce soit le vin, que ce soit la côte, que ce soit autre chose. Il n'y a rien dans le paradis qui ressemble à cette chose, sauf de nom. Non. Sauf de nom. Non, le nom, ça peut ressembler. Mais, par yani, elle-même, jamais. Non, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement et d'esprit de leur choix. Voilà la réponse que je voulais te donner, mon frère. Le vin du paradis ne provoque ni mal de tête, ni enivrement, ni on devient sous. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah ta'ala qui a créé l'alcool. C'est que l'alcool fait deux choses. Elle fait des maux de tête. Demandez à ceux qui boivent l'alcool le lendemain comment tu te lèves. Ils disent j'ai la gueule de bois et je ne sais pas quoi. Ils ont la tête qui est lourde comme une montagne. Allah Ta'ala sait que ça donne des maux de tête et que ça enivre. Alors c'est pour ça que, en parlant du vin du paradis, il a dit, verset 19, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Imaginez si quelqu'un va avoir des maux de tête dans le paradis, alors à quoi ça sert à être dans le paradis? Je suis dans le paradis, j'ai des maux de tête. Donc, je vais demander où est le pharmacien et je vais acheter, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec Panadol ou je ne sais pas ce que je vais acheter. J'ai des maux de tête dans le paradis. Donc, ça, ce n'est pas un paradis. Un paradis, on n'a ni maux de tête, ni on crache, ni il y a la mort, l'aspirine, je veux dire, non. Ni on a le mal de tête, ni on tombe malade, ni on est fatigué, ni on dort, ni on meurt. Il n'y a pas toutes ces choses dans le paradis. Et encore moins, il n'y a pas l'enivrement. Et encore moins, on devient sous. Car si on devient sous dans le paradis, on va insulter, on va dire n'importe quoi, et on va, par cela, on va même insulter Allah. On ne sait pas ce qu'on dit. Non. Or, on est obligé de vomir. Non, tout est parfait. Quelqu'un qui boit beaucoup, ensuite, il a envie de vomir. Ça, le vomissement, il n'y a pas dans le paradis. Non. Fadal, Inch'Allah, Nathan. Ismaïl. Ça, Fadal, Ismaïl, Inch'Allah. Un frère qui, de Belgique, qui s'est reconverti. Fadal, je te donne le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, barakallahu fik pour votre dos. Ici, c'est comme j'ai, à propos du DAS, j'ai compris. Mais je voudrais vous poser une question que j'aurais bien voulu vous poser auparavant. Dans l'un des Dourous, par exemple, du frère Yanni Abu Asia, donc on a parlé de cette condition de la ilaha illallah qui sont, je cite, si je peux bien. Donc, la seule condition, c'est. Donc, il y a le. Attendez un petit peu, je réfléchis un petit moment. Moi, ben, je crois bien que je vais. Si ça ne vous dérange pas, je vais poser ma question un petit peu plus tard si c'est possible, d'accord? Il n'y a aucun problème, Inch'Allah, prépare bien ta question. Inch'Allah, ta'ala, si je connais la réponse, je suis là. Abu Abdullah, il s'est rentré, ça fait de mal. Imaginez qu'il y ait un seul dinosaure de nos jours, un seul. Le dinosaure, quand il va mettre un pied ou là, comment ça s'appelle, une patte ici, au Koweït, donc il la mettra, je ne sais pas où, en Inde. Donc il y a un seul dinosaure pourrait aller le monde à l'exterminer. C'est pour ça que je veux dire, je crois, Allahu A'lam, que quand les dinosaures vivaient, je crois que les personnes qui vivaient avec eux, en même temps qu'eux, étaient aussi des géants. La preuve, Adam alayhi salam, notre père Adam alayhi salam, faisait 30 mètres de hauteur. Comme c'est dans le hadith sahih. Il faisait 30 mètres de hauteur. Donc, si maintenant je fais 30 mètres de hauteur et qu'il y a un dinosaure, pour moi le dinosaure, c'est comme le chat. Peut-être que je le frappe avec une coutille. Non. Parce que c'est comme un rat même. Non. Adam alayhi salam faisait 30 mètres de hauteur. Donc les dinosaures, il est impossible qu'ils vivent avec des gens qui sont comme nous, d'un mètre 60, d'un mètre 50. C'est impossible. Avec, ils vont les écraser. Donc sûrement qu'ils ont dû vivre avec des gens, des personnes qui étaient aussi, on appelle des géants. Non. C'est pour ça que on a aussi trouvé des squelettes, de nos jours on a rencontré des squelettes de vraiment des gens qui étaient des géants. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nathan, Ismaïl, tafadhal, je reviens vers toi car je voulais là. Non. Tafadhal, Ismaïl, je te donne le micro encore une fois. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, excusez-moi. Oui, donc je disais que dans l'un des Doros du frère Abu Asia, on avait appris les sept conditions de la ilaha illallah qui sont, je cite, la science, la certitude, l'acceptation, la soumission, la sincérité, la véracité et l'amour de cette parole. Mais il y a des ulémas qui disent, enfin d'après ce qu'un frère m'a dit, il paraît que il y a les ulémas qui ajoutent à cela une huitième condition. Cher, je voudrais bien savoir selon vous, si oui, il y a une huitième condition de la ilaha illallah, quelle est donc la huitième condition, enfin pour y pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, Barakallahu fikoum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam salam à Jibni Salam. La huitième condition, je sais que certains l'ont ajoutée, mais je ne me rappelle pas d'elle maintenant. Non, maintenant, je ne me rappelle pas de cette condition. Mais il faut savoir que ces conditions ne se trouvent, les sept conditions, c'est-à-dire, n'ont pas été citées comme ça clairement dans un verset ou là dans un hadith, dans une tradition. Et ce sont les ulamas qui ont déduit cela. Ce sont les ulamas qui ont déduit cela. C'est pour ça que, ici, j'ouvre une parenthèse, mon frère Ismaël, j'ouvre une parenthèse pour dire que, quand on parle avec des gens, par exemple, qui ne sont pas musulmans, ou là, on est en train de faire la da'wa aux gens, etc., on laisse ces conditions pour que ça ne paraisse pas difficile. Si on dit 8, il y a 7, 8 conditions, etc., d'emblée, ça fait un peu, aux gens dire c'est vraiment difficile donc de rentrer en islam, il faut 8 conditions, il faut ceci. Ça, c'est des conditions qui, lorsque tu remplis la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, quand tu dis cela, déjà, Inch'Allah ta'ala, tu es sincère, on a rempli beaucoup de conditions. C'est pour ça que ce sont des conditions très faciles et que il viendra le jour, Inch'Allah ta'ala, où on les expliquera une par une, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est facile pour Inch'Allah. C'est juste facile pour Abdelaziz, aide-moi Inch'Allah ta'ala en faisant descendre seulement les autres pour que je sache facile pour. La huitième, c'est renier tout ce qui est en dehors d'Allah. Naam, c'est sûr. Si j'adore Allah et en même temps je me dis, par exemple, j'adore un autre avec lui, je ne suis plus croyant, je ne suis plus musulman. Il faut que je renie tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abu Abdel Malik, tafadhal. Abu Abdel Malik, tafadhal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais écrit quelque part comme ça dans la room, dans l'admin, de fait pour que lorsque vous rentrez dans la salle, il y a un message qui vous apparaît. Dans ce message, c'est écrit que, en ce sens, je voudrais que les questions soient d'abord en relation avec le DAF. Non. Pourquoi ? Pour ne pas aller loin, rester dans le DAF, ensuite sur la terre, on sort du DAF. Je vous donne des questions qui sont hors d'offre, mais je préfère rester d'abord dans le DAF, quand on est chaud comme ça, dans le DAF, après on sort du DAF, c'est ça ne fait rien. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est au paradis, si par exemple nous sommes dans différents niveaux, cela veut dire que nous verrons pas comme nos mamans, nos femmes ou autres. Et je voulais rajouter la réponse à Ismaël, c'est que la huitième condition, c'est de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fik. C'est quoi nos marrons? Il a dit ici, nous ne verrons pas comme nos marrons ou nos femmes ou autres. C'est qui nos marrons? Nos parents. Naam. Vous savez que le paradis, si je puis dire, il y a des étages. Il y a des étages. Naam. Il y a quelqu'un qui peut être par exemple à ce niveau, l'autre qui est au plus haut niveau, l'autre plus haut, et comme ça, il en monte. Pourquoi? Parce que ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas tous au même niveau. Ils ne sont pas tous du même niveau. Pourquoi? Parce que cela dépend du degré de sincérité, et cela dépend du degré de la piété, et ça dépend aussi des actions. Je donne un exemple. Quelqu'un qui passe la nuit à dormir et à ronfler, mais pas comme quelqu'un qui, par exemple, passe la nuit à prier. Et quelqu'un qui, chaque mois, par exemple, il donne aux pauvres 100 euros, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne donne jamais ou là qui donne 1 euro. Et quelqu'un qui jeûne, par exemple, jeûne lundi et jeudi, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne jeûne que le ramadan. Et comme ça. Et quelqu'un qui passe son temps du matin au soir à faire des invocations à Allah, c'est-à-dire, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, c'est pas comme un musulman qui passe son temps du matin au soir à chanter ou bien à siffloter comme ça. Donc, il est très logique que le jour du jugement dernier au paradis, les gens se dépasseront. Or, ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est que si on a un parent qui n'est pas dans notre rang, c'est celui qui est en haut qui descend vers le bas, et non pas celui qui est en bas qui monte vers le haut. Car celui qui est en haut, qui descend vers le bas, pour voir cette personne, il a, lui en haut, il a tout ce que cette personne a en bas et plus. Mais celui qui est en bas, parce que ce que j'ai dit, il ne peut pas monter, il n'est pas apte, il n'est pas apte à monter vers celui qui est plus haut que lui. Wallah ta'ala, a'lam, c'est ce que je sais. Peut-être maintenant, il peut y avoir des invitations spéciales, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse inviter des gens spécialement, comme ça, pour certains temps, mais non pas pour y rester toujours, pour certains temps, peut-être pour qu'ils voient, la hauteur et la grandeur de ton rang, et dire combien tu étais sincère, combien tu étais pur quand tu étais dans ce bas monde. Wallahu ta'ala a'lam, Allah ta'ala est plus savant. Amadou 91, ça fait de l'âme. Non, quand je dis Allahu a'lam, ça veut dire Allah est plus savant. Amadou, si tu veux prendre le micro, tu me dis. Abou Talib, tu es là, Allahu Akbar, je t'ai pas vu, Abou Talib, bah. Tu es là, toi. Allah a dit que tu es caché ici. Oui. Amadou, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas ce qu'il n'est pas là, je ne vais pas faire de temps. Abou Talib, ça fait mal. حياك الله مرحبا بك تفضل il a écrit je ne vois pas où est-ce qu'il a écrit je ne vois pas sa question elle ne s'est pas affichée chez moi ah là je la vois Amadou que Allah subhanahu wa ta'ala te guide encore plus Allah yahdik d'avoir écrit avec cette couleur et avec cette couleur regarde maintenant je peux lire très bien en noir chef selon les chrétiens pas contre un ange. Pouvez-vous réexpliquer les points de vue de l'islam vis-à-vis de cela, barakallahu fik. Non. Je peux expliquer cela. Si Al-Sunna va vite me faire sortir un verset. Al-Sunna va me trouver le verset de Sourate Kahf. Le verset de Sourate Kahf où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kana min al-jinni fa-fa-saqa un amri rabbi. Je vais te le donner d'abord au stylé. Va me chercher le verset de Sourate Kahf, le verset numéro 50. Le verset numéro 50 de Sourate Kahf. Comme ça, on explique avec le verset affiché, c'est mieux. Le verset 50 de Sourate Kahf. Attends avec moi un peu, Inch'Allah, Amadou, et je vais t'expliquer. Ce qui a fait tromper certaines personnes, même certains musulmans, c'est de dire comment sait-il que Satan ne soit pas un ange alors que Allah Ta'ala lui a demandé de se concerner avec les anges. Je vais répondre aussi à cela. Regardez, lorsque Allah Ta'ala a dit « Audoublam shtana dimidhum zi ou lefrenzim » et lorsque nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam » ils se prosternèrent excepté Iblis, Satan. Qui est du nombre des djinns qui se révolta contre le commandement de son Seigneur, allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Sourate la caverne, verset 50. Regardez, dans ce verset, il y a trois preuves que Satan n'était pas un ange. Premièrement, Allah Ta'ala a dit, ils se prosternèrent excepté Iblis, qui était du nombre des djinns. Donc ça c'est très clair, le Coran est très clair, il a dit excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et non pas du nombre des anges. Et Allah Ta'ala, qui l'a créé, connaît mieux que nous. Allah ya'lamu man khalaq, wa wallah bi khabir. Ne sait-il pas celui qui a créé, un autre verset. Donc c'est première preuve, il était du nombre des djinns. Deuxième preuve, il a dit, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Alors l'ange, on a vu tout à l'heure les anges qui ne se révoltent jamais, qui obéissent seulement à Allah. On a vu le verset où c'était dit que la ya'asuna Allah ma amarahum, ils ne désobéissent jamais à Allah. C'est un autre verset. On a vu tout à l'heure ce verset. Et la troisième preuve, c'est toujours dans ce verset, la troisième preuve, où Allah Ta'ala a dit, allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allié. Allah Ta'ala a dit ici que Satan a une descendance, a une progéniture, a des enfants. Ça veut dire a des femmes aussi. Il se marie, il a des femmes, il a des enfants. Or, on a vu que les anges étaient créés de lumière. Et quiconque est créé de lumière ne mange pas, ne boit pas, n'a pas de sexe, alors ne se marie pas, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femme, etc. Voici trois preuves du Coran qui montrent que Satan n'a jamais été un ange. Reste seulement une chose à éclairer. Alors, puisqu'il n'a jamais été un ange, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a-t-il ordonné de se prosterner avec les anges? La réponse est très simple. Satan, avant de désobéir à Allah, était pas un ange, était un djinn, mais était quelqu'un qui obéissait à Allah. Il a tellement obéi à Allah, et il obéissait tellement à Allah, et il avait tellement de piété et de sincérité qu'il était arrivé au rang des anges. Classe, il était au rang des anges. Il priait avec eux, il faisait tout avec eux. Il était au milieu d'eux, restait avec eux, marchait avec eux. Pourquoi? Il a atteint, mashallah, le rang des anges. Or, quand il était avec les anges, Allah Ta'ala a demandé à tout le monde, de se prosterner devant cette créature, cette nouvelle créature qui est Adam. Tous, car tous étaient des pieux. Ici, Iblis Satan a dit non, moi je ne me prosterne pas. Il a fait l'analogie, il a dit non, moi j'ai été créé de feu, il a été créé de terre, je suis mieux que lui, il ne sait pas prosterner. Ici, c'est le premier péché qu'a fait ce Satan. C'est le premier et grand péché, mais pas n'importe quel péché, il a désobéi à Allah, il l'a fait sortir. Non, il se révolta contre son Seigneur. Non. Alors que les anges ne se révoltent jamais. On a vu le verset où il est dit que ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Non. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Abu Talib, tafadhal wa marhaban bik wa hayyakallah. Non. C'est ça? Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا والله سامح التجاوز. الحمد لله وحياكم الله جميعا وحيا الله شيخنا الكريم محمد شلبي حفظه الله والله ومغيبكم وكيف ما شاء الله. نعم جين كيسون إن شاء الله وفيها بغيخ يا شيخ طويبو إن شاء الله وتعالى اسبكها كلمة مو إبليس أتلت دي سنجي سور تير بإذن الله également اسبكها brièvement la différence entre les djinns et Iblis, pour ceux qui sont novices, Inch'Allah, pour les frères et les sœurs qui viennent de se convertir, Inch'Allah. J'espère que ma question a été comprise, bi'idnillah. Mais, wallahi, inni wahibukum fillah, wa inni wahibuka fillah katiran, ya shaykhana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, vous m'avez entendu, Inch'Allah, ou est-ce qu'il faut que je répète la question? Je vais répéter, Inch'Allah. C'est entendu? Ah, subhanallah. الحمد لله. يا شيخنا، يا شيخ ابن تيمية، هل في صوت؟ هل تسمعوني؟ Très bien, Inch'Allah, je vais passer la parole de ton cheikh et aux frères, Inch'Allah, et aux sœurs qui sont là. J'ai la question écrite, je vais vous la passer par écrit, bidin. Aïkoum Allah, jami'an, wa barakallahu fikoum. Wa a'ana, afwan. A'anak Allah, ya cheikh Ismaël, ya akhina Ismaël, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, si saute, que vous avez du son, Cheikh, inshallah. Si vous avez du son, inshallah, tapez 1. Barakallahu fikum. Non, donc Cheikh est déconnecté. Donc on va attendre, inshallah, bismillah, qu'il va se reconnecter, inshallah. Donc passe en paix, barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت؟ فيه صوت؟ اكتيا لوسون بارك الله فيك. فيه صوت؟ Je ne vois pas si vous me répondez ou là là. C'est toi que je dois sortir. Pourquoi il n'y a rien sur l'affiche? Abou Talib, Hayakallah, toi tu as pris le micro, moi je me suis déconnecté. Donc je n'ai rien entendu ce que tu as dit. Je sais que tu n'as dit que du bien. Wallahu ta'ala alam. Je ne sais pas si tu as posé une question ou pas, mais de toute façon, je n'ai rien entendu, à part que Allah a dit que tu as dit salam alaikum. C'est Abu Halima, 79, ça fait mal. Je vais voir s'il n'y a rien qui s'affiche, je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir et de revenir. Je ne vois rien qui s'affiche. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل سفيان تفضل. نعم سفيان si tu veux prendre le micro tu me fais signe. نعم sinon inshallah tu es écrit. J'ai pas vu la question de celui qui était avant Sofiane. C'est quoi la question? Est-ce que quelqu'un peut me raconter sur la fiche, sur la fenêtre ici? Non, je n'ai pas vu la question. C'est pour ça que je suis sorti pour rentrer, car je ne voyais pas ce qui s'affichait. C'est quoi sa question, Chambre? C'est quoi sa question? أبو طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة الله أجمعين حيا الله في السماء الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وما في نغم ممكن يشير كوبيبو إن شاء الله تعالى expliquer à quel moment Iblis a été envoyé sur terre et également expliquer brièvement la différence entre les djinns et Iblis pour les frères et les sœurs qui sont novices إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم Iblis a été envoyé en terre. Il est descendu lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre aussi Adam. Allah ta'ala aussi a fait descendre Adam alayhi salam. Il a demandé aussi à Iblis de descendre. Il est descendu aussi Adam, Hawa et Iblis. Et il n'y a pas, Iblis, c'est-à-dire Satan, na'am. Il n'y a pas, comme disent d'autres, ils disent le serpent est descendu. Na'am, il n'y avait pas de serpent dans le vrai Coran et le vrai Hadith, il n'y avait pas de serpent. C'est dans d'autres livres. Donc, ils sont descendus les trois. Satan est descendu et Adam et Hawa sont descendus sur terre. Et ça va arriver, peut-être dans le prochain DAF, avec beaucoup plus de détails, Inch'Allah Ta'ala. quant à la différence entre Naam, Hawa et Av, Naam, quant à la différence entre les djinns et Iblis, regardez. Iblis, c'est un djinn. C'est un esprit. Le djinn. S'il est musulman, on l'appelle djinn. S'il devient kafir, mécréant, on dit de lui, c'est un shaitan. On dit c'est un satan, shaitan. Satan en arabe, satan, shaitan. Et le père de ces satans, s'appelle Iblis. Naam. Et c'est pour ça qu'on dit de lui, on dit satan. S'il fait beaucoup, beaucoup de mal, on dit de lui Iblis. Donc, Iblis et Satan sont des djinns. Ce sont des djinns mécréants. Car les djinns, les esprits, il y a des croyants et il y a des mécréants. Des croyants qui ont adoré Allah Ta'ala et qui ont fait la prière, qui ont été purs, vont aller au paradis quand ils meurent. Et les autres, les djinns qui sont mécréants, comme Iblis et Satan et leurs enfants, leur progéniture, vont aller en enfer. Naam, Sofiane, la triche, tafadal. Sofiane, tafadal. De toute façon, ça viendra avec beaucoup plus de détails, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains jours. Abu Halima, salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam. Est-ce que, Inch'Allah, vous pouvez expliquer le hadith qu'Allah Ta'ala a créé Adam à son image? Naam. De toute façon, je sais que ma question est expliquée quand je suis sur du salon. Naam. Adam a.s. a été créé à l'image. À l'image, à son image. Les ulama ont divergé. Nous savons, divergé. Qu'est-ce que ça veut dire à son image? Le son, ici. C'est son, image. Image revient vers Allah. Ou bien image de Adam. Image de Adam. Naam. Ça viendra, Inch'Allah Ta'ala, quand j'expliquais ce hadith dans un daf. Mais je vous disais maintenant pour assouvir votre curiosité, le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est a été créé à l'image d'Adam, à son image à lui. Naam, Adam alayhi salam. Pourquoi? Parce que nous tous, on a été créés à partir d'un père et d'une mère. Ensuite, on est créé. Bien sûr, sauf Jésus, alayhi salam, qui a été créé d'une mère seulement. Et sauf Hawa, père qui a été créé seulement d'un père, quand on verra ça. Donc, nous tous, on a été créé d'un père et d'une mère. Mais Adam, alayhi salam, a été créé d'après l'image que Allah subhanahu wa ta'ala l'a façonné. C'est pour ça qu'il a été créé directement à son image. Il n'est pas passé par les étapes, ni mère, ni père. Ensuite, alayhi salam, il n'est pas resté dans le ventre, comme on a vu tout à l'heure. Il était d'abord sperme, ensuite il est passé par 4 ou 5 étapes. Non, il a été créé directement, fécondation, etc. Ensuite, chair, os, etc. Non, il a été créé directement créé à son image. Et d'autres, comme Cheikh Ibn Othaymin Rahmo, disent à son image, à l'image d'Allah, mais sans qu'il y ait ressemblance. Car l'image ici ne veut pas dire l'image d'Allah qui lui ressemble, mais veut dire l'image d'Allah qu'Allah a créé. L'image d'Allah, comme on dit, la mer d'Allah, l'univers d'Allah, les étoiles d'Allah, les créatures d'Allah. On dit d'Allah, de Allah, mais ça ne lui ressemble pas. C'est la même chose. Deuxième avis qui dit a été créé à l'image d'Allah. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit que le jour du jugement dernier, les premières personnes, le premier groupe qui rentrera au paradis, rentrera à l'image, avec l'image de la lune. Est-ce que vous imaginez que les gens seront ronds comme la lune? Non, ça veut dire qu'ils auront la lumière de la lune, comme la lune. Ah, c'est comme ça qu'il faut comprendre ces textes. Wallahu ta'ala a'lam. Oumou Ilya 78, ça fait valer. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Vous avez dit que les djinns ont vécu sur la terre avant Adam. Ensuite, Allah Ta'ala envoie une armée qui servait des îles éloignées. Ma question, ces îles se situent-elles sur terre? Ensuite, lorsque Adam fut descendu sur terre, quand est-ce quand est-ce que les dix revers vivent avec lui et sa descendance dans son fils. Non, c'est une question un peu difficile parce que ceux qui ont dit que les djinns qui étaient auparavant et que Allah subhanahu wa ta'ala envoie une armée qui les expulsèrent, c'est comme vous savez, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni le Coran. C'est Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala, un compagnon qui a dit ça, et sûrement il n'a pas dit sa tête. Mais le Coran a dit que le djinn a été créé avant Adam. Il a dit wal janna khalaqnahu min qabl. Et le djinn, on l'a créé avant. Avant, ça veut dire avant Adam, ça c'est sûr. Reste l'expulsion des djinns, ce sont des sahabas qui ont dit cela. Peut-être qu'ils ont bien entendu ce du sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas une version, un hadith, yani authentique en ce sens. Ensuite, quand est-ce que ces îles se situent-elles sur terre? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a aucun hadith où là il y a un verset qui dit cela. Ensuite, je voudrais dire une chose là, une autre parenthèse. Il veut que ces îles soient sur terre et que on a détourné. Et comment on a découvert maintenant tout le monde, la terre sera toute de terre. Il ne peut pas que tu dis non, tu te trompes. Quand les djouk ou un djouk, où sont les djouk, il y a d'autres choses, où sont les djouk, où sont-ils? Si on sait que il y a un malin, d'autres et malins. En cherche un endroit dans une île. Son père, jusqu'à présent, a découvert n'est-il pas aussi dans une telle éloignée par le Tenim Deri que Allah a gré? Ne l'a-t-il pas rencontré? Il l'a trouvé, il a parlé avec lui, ils ont eu un dialogue, quand c'est dans les barils. Est-ce que l'aucun a-t-il découvert dans des crises de son métier? Est-ce qu'il a découvert qu'il est dans une île? Car il a choisi à nous faire un voie où on ne les a pas encore découvert. De toute façon, eux, ils vivent avec nous et Dieu. Allah Ta'ala dit إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Allah Ta'ala, en parlant d'Iblis et de sa progéniture, a dit ils sont avec vous, ils vous voient de ce que vous ne les voyez. Si vous êtes dans la maison, parce qu'il y a une lune avec moi, etc. Et je ne suis pas en train de le voir. Il y a même des djinns qui sont dans les corps des gens. Non seulement dans la maison, dans les corps. Ils ont habité les gens. Ils ont habité des raisons que je citerai, Inch'Allah, quand on sera dans ce problème. Dernière question, ensuite sur cette région, est-ce que les djinns vivent avec Adam? Non, les djinns sont avec nous, ils vivent avec nous. Comme je le disais maintenant, ils vivent avec nous, ils partagent avec nous des liens, certains partagent des corps avec nous. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Juwayriya, tafadhal. Il reste, Inch'Allah, dit Abu Juwayriya, tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله يبارك فيكم في ريكورد اموا يا ابو توس اي توس ان شاء الله الله ما كورد هذه الشوز اموا يا ابو توس اي توس. طيب اكوا لا كيسيون ان شاء الله تعالى جاتون جو دي اون بارونتيز pour ceux qui ne savent pas de ceux qui veulent, ou bien ceux qui veulent, que nous sommes aujourd'hui lundi, non, chaque lundi, il y a un cours sur les prophètes, juste à ce qu'on termine, Inch'Allah Ta'ala, en passant, on commence par Adam, ensuite Nuh alayhi salam, ensuite Idris, ensuite Ibrahim, Moussa, Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on termine. Et que peut-être, je ferai peut-être, une fois cela, une autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que ceux qui ne savent pas, que je donne deux autres cours, le samedi et le mercredi, mais pas dans la section Europe-France, mais dans la section Religion-Islam. Dans la section Religion-Islam, dans une salle qui s'appelle Apprendre l'Islam. Dans une salle qui s'appelle Apprendre l'Islam, chaque samedi et chaque mercredi à 21h30. Ma mère a 49 ans. Elle est convertie depuis 2 ans, alhamdoulilah, masha'Allah alayha. Elle vous demande si elle pourrait assister à l'enterrement de sa mère, sachant que sa mère est mécréante, et qu'elle est la maladie d'Alzheimer, hein? Et qu'elle a. Ah, non, à faire de mémoire l'enterrement donc, elle ne peut pas lui parler de l'islam. L'enterrement... Et l'enterrement n'est pas religieux, mais civil. Est-ce qu'elle peut hériter d'elle et donner l'héritage à ses filles mécréantes? Non, c'est une question à l'intérieur d'une autre question. Chaque question est dans une autre question. Je commence par le début, Inch'Allah Ta'ala. Si elle pourrait assister à l'enterrement de sa mère, sachant que sa mère est mécréante. Quand quelqu'un est mécréant et il est de la famille, on l'enterre. Car si on ne l'enterre pas, que va-t-il advenir? On ne va pas le laisser comme ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, est venu lui dire que son père était mort. Le père de Ali qui est mort mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'aller l'enterrer. Donc quelqu'un qui est kafir, qui est de la famille, même s'il n'est pas de la famille, quelqu'un qui meurt mécréant, on est obligé de l'enterrer. D'ailleurs, même si on l'enterre pas, ça donne des problèmes, ça donne des maladies, etc., quand il va se décomposer, etc. Donc, quand c'est quelqu'un de la famille, on doit l'enterrer. Non. C'est l'enterrement, surtout que si l'enterrement n'est pas religieux. Surtout si l'enterrement n'est pas religieux. Non. Et elle dit qu'elle a la maladie, elle avait le tremblement, etc., à perte de mémoire, et l'enterrement, donc elle ne peut pas lui parler d'islam. Elle dit, je ne comprends pas comment qu'elle lui parle d'islam alors qu'elle est morte. Elle dit, je n'ai pas encore compris, elle. Parce qu'elle a dit que sa mère est morte, donc elle dit qu'elle ne peut pas lui parler de l'islam. Elle dit, je n'ai pas compris. Elle veut dire peut-être qu'elle ne lui a pas parlé de l'islam. Elle ne lui a pas parlé, peut-être comme ça. Allahu a'lam. Je n'ai pas bien compris, cherchante. Non. Et donc, et est-ce qu'elle peut, elle n'est pas morte encore? Allahu Akbar. Moi, je l'ai fait mourir. Allahu Akbar. Dis-lui qu'elle me pardonne là. Je l'ai tué et elle me pardonne là. Inch'Allah, qu'elle me pardonne. Donc, pourquoi c'est écrit ici? Elle vous demande si elle pourrait assister à l'enterrement de sa mère. Ah, ça. Maintenant, j'ai compris. Est-ce qu'elle peut assister à l'enterrement de sa mère lorsqu'elle meurt? Non, lorsqu'elle mourra. Non. Si c'est un enterrement civil, elle peut assister, Inch'Allah Ta'ala. Donc j'ai compris, voilà la réponse. Ensuite, est-ce qu'elle peut hériter d'elle pour donner l'héritage à ses filles mécréantes? Pour donner l'héritage à ses filles mécréantes. Les filles de qui? Ses sœurs, c'est-à-dire elle donne. Ah. Si elle peut hériter pour donner à ses sœurs mécréantes. Chose. En islam, on ne peut pas hériter d'un père ou d'une mère qui ne sont pas mortes, ou qui sont mortes mécréants. Quand, en islam, on ne peut pas prendre l'argent et hériter de quelqu'un qui est mort sans rentrer en islam. Mais je crois qu'en France, ou là en Europe, il y a une loi qui t'oblige à prendre cet argent et à signer je ne sais pas quoi. Donc si on t'oblige à prendre cet argent, tu le prends pour le donner, dans des projets de musulmans, pas d'autres. Non, on ne donne pas aux mécréants, aux filles mécréantes. Sauf si la loi en Europe leur donne ça, ça c'est autre chose. Mais je te dis en islam comment ça se passe, on n'hérite pas quelqu'un qui n'est pas musulman, et celui qui n'est pas musulman n'hérite pas aussi son fils s'il est mort musulman, et au lieu de laisser cet argent soit pris par exemple par l'État ou par je ne sais pas qui, on le prend et on fait des projets pour des musulmans, hein, où on le donne aux nécessiteux qui sont musulmans. Même si on le donne à un nécessiteux qui n'est pas musulman, ça ne fait rien. Mais s'il y a deux nécessiteux, et le musulman est plus nécessiteux, on le donne aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. أبو عبد الله الفرنسي تفضل. وفيك بارك الله. آمين. جزاك الله خيرا. أبو عبد الله تفضل. Si vous voulez prendre le micro pour que ça soit plus vite, prenez-le. Si vous voulez prendre le micro pour que ça soit plus vite, prenez-le, car il est déjà minuit ici chez moi. Non, je demande aux frères et sœurs de ne plus lever demain par toi, pour qu'on s'arrête avec Amadou 91. Pour qu'on s'arrête avec Amadou 91. Je libère le micro si quelqu'un veut le prendre de ceux qui ont levé la main. Sadou Halima, pour ne pas faire de temps, pose ta question, Inch'Allah. Ça y est, d'après Abu Huraira, l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le meilleur jour qui va se lever le soleil le vendredi. Tu vois que Adam est créé. Et ce jour-là, qu'ils rentrent au paradis, qu'ils vont sortir. Donc, je vous appelle ce jour-là qu'aura lieu la résurrection. Ma question, est-ce que c'est pour toutes ces raisons, ou en partie pour ces raisons, que le vendredi est le jour de la prière du Salat du Mois? Naam, le jour du vendredi a été choisi pour Yanni, car le vendredi, c'est le jour. Un jour, yani, qui ne ressemble pas aux autres jours. Non. C'est un jour que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux juifs pour qu'ils choisissent pendant de la semaine ce jour-là. Et ils ont choisi le samedi. Il l'a donné aux chrétiens, ils ont choisi le dimanche. Allah ta'ala a dit, ils ont choisi le vendredi. Ils sont bien tombés sur le jour qu'il fallait choisir. Car c'est ce jour-là aura lieu la résurrection. Quand tu es un samedi, un lundi, un mercredi, un jeudi, sois sûr que ce n'est pas ce jour-là la fin du monde. Car la fin du monde sera un vendredi. C'est pour ça que chaque vendredi, tous les chassons ou les créatures ont peur, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la prière du vendredi, la meilleure prière sur la. Et il y a un hadith que la meilleure prière chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière du matin, sauf le jour du vendredi. La prière du matin, du vendredi, c'est la meilleure prière chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ce blanc, pas, il laisse la prière du matin, du vendredi, ils ne vont pas à la mosquée. Alors que c'est la prière sur ta rame. Je veux dire que Allah ta'ala a choisi ce jour-là, car c'était ce jour-là, il est rentré au paradis ce jour-là. Allah Ta'ala l'a fait sortir ce jour-là, et c'est cité aussi dans d'autres hadiths qu'Allah Ta'ala lui a accepté de lui le son repentir un vendredi, et qu'Allah Ta'ala l'a fait descendre un vendredi, et qu'Allah Ta'ala, et que Adam A.S. est mort un vendredi. Pour ces raisons, le jour du vendredi est un jour, yani, qui ne ressemble vraiment pas aux autres, et c'est un jour azim, yani, sublime. Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'lam, et plus avant. نعم أبو عبد الله 77 تفضل فيك بارك الله إك الله أغمنت بو كونيسانس أوسي أبو كار كم بو دوفي سابور يعني أن نكوني de la religion que peu أن نكوني de la religion que peu je demande à الله سبحانه وتعالى qu'il ajoute يعني nos connaissances et notre piété à nous tous et sincérité à nous tous et toutes et qu'il nous facilite le chemin qui mène à son paradis. Naam. Abu Abdillah, wa alaykoum salam wa rahmatullah, tafadlal. Ensuite, le dernier, inshallah, c'est Ismaïn B. Le dernier, inshallah, ta'ala, c'est Ismaïn B. C'est le dernier. Abu Abdullah 77. Je ne peux pas te lire parce que je ne vois pas ce qui est affiché. Non. Non. Alors, coupe, Inch'Allah ta'ala. Coupe et affiche. Je ne vois pas, Inch'Allah ta'ala. Répète. Non, prends le micro, Inch'Allah. Prends le micro. Prends le micro, Inch'Allah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سمادي أحسن الله إليكم. إن شاء الله سوف تعملتي جي دي كيسيون ربي جازيكم. أسيو بداية وم تعملتي تزيع دي كيسيون. Je peux faire mon fils. Je t'ai offert spécialement deux roses, deux belles roses, tu n'as pas compris? Ah, ya, Ousmane, ya Abu Abdillah. Deux belles roses, tu n'as pas compris que ce sont pour les deux questions. Très bien, j'attends ta réponse, Inch'Allah. Rabbi Jazik, Inch'Allah. Inch'Allah, Akhtat, je préfère Inch'Allah être vigilant et attendre la réponse claire, Bi'idnillah. Rabbi Jazik, Inch'Allah. La première question concerne la salat. J'ai été imam dans un masjid, donc j'ai pris salat al-Asr. J'ai fait trois rak'as. Trois rak'as, c'est le cas. Juste, j'ai fait donc je me suis assis, et j'ai fait tout ce wud. Et les gens derrière moi, ils s'étaient levés. Et donc ils m'ont fait remarquer que c'est salat al-Asr, et j'ai oublié mes rak'as. Donc ils ont dit c'est pas Allah. Mais là, je n'avais pas encore fait le film. Donc, je me suis relevé pour compléter la salat, la salat à 4 rak'at. Et ça fait un rêve là, j'ai seulement. Mais je n'ai pas fait ce jeu de sirop. Est-ce que je suis mortel par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a une question là? Et qu'est-ce que je dois faire pour réparer ce problème, Rabbi Jazik? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي comment s'appelle Abu Abdullah 77. Tu étais très, je crois que tu étais très près du micro. C'est parce que et je n'ai pas baissé Salat al-As. Je sais que Salat al-As, je sais que tu as fait trois et je sais que mais j'ai pas bien compris. Jazakallah khair. Je te donne le micro. Éloigne-toi un peu. Barak. Salam alaikum. Est-ce que le style est comment? Alhamdulillah. Donc, Cheikh, Rabbi Jazik, pour le temps que tu nous accordes hein, concernant les questions-réponses, barakallahu fik. Et puis, Alhamdulillah, hada yani nafi'. Donc, ma première question, Inch'Allah, elle concerne Salat al-Asr. J'étais l'imam, donc à la mosquée. Salat al-Asr, donc c'est 4 rak'at. Sur rak'at thalitha, je me suis assis. Et j'ai fait le tashahhud. Ils m'ont fait remarquer qu'avec tasbih, donc en disant subhanallah, que yani, je m'étais trompé et donc j'ai complété la salat al-Asr à 4 rak'at. Donc j'ai rajouté une 4e rak'at, mais j'ai pas fait ce jeu de sahm, puisque vu que j'avais pas, yani, j'étais pas, comment dire, j'étais un petit peu stressé par rapport à ça, par rapport à ce que j'avais fait, et donc j'ai pas fait ce jeu de sahm. J'étais directement taslim après la 4e rak'at. Est-ce que j'ai une kafara ou est-ce que je dois faire quelque chose pour attraper ça? Barakallahu fi. Bismillahirrahmanirrahim, salat salam ala ashraf al-mursalin. Naam, quand on s'assoit pour la troisième, naam, on doit quoi? On doit se, yani, si on nous fait signe, etc., on se lève, on termine la quatrième raka'a et après avoir terminé, on doit faire ce doutier. Après avoir terminé, on doit faire. Non, après le salam. On doit le faire après le salam pour avoir ajouté quoi? Pour avoir ajouté de s'être assis. Il s'est assis à la troisième alors qu'il fallait se lever. Ce n'est pas fait, Cheikh Naam. Donc normalement, quand on termine, on fait ce doutier. Mais quelle est la durée où ce doutier, là, on ne peut plus le faire? Cette durée, s'il n'y a pas un hadith qui est clair, yani qui a dit si vous dépassez telle ou telle minute, etc., il n'est pas accepté. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoullah s'est basé sur l'histoire de Douliedain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cinq oublis dans sa salat. Dans l'affaire, l'histoire de Douliedain, il s'est assis et il s'est adossé contre le mimbar, il a parlé avec les gens et il a fait, on l'a rappelé, donc il a ajouté ce qu'il fallait, il a fait sujoud sahw. Dans une autre version qui est authentique, il est sorti de la mosquée, on a couru derrière lui, on l'a rattrapé, il est rentré, il a demandé de faire encore une fois l'iqama, et ensuite il a fait ce qu'il manquait et il a fait sujoud sahw. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoullah a dit, pour que le sujoud sahw soit valable, il ne faut pas qu'il dépasse 5 minutes. Il a dit à peu près 5 minutes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi maintenant, qui a parlé, qui a discuté, qui est allé chez toi, ça s'est passé hier, tu as mangé, tu as dormi, tu as vu la télévision, tu as vu le match, tu as vu le je ne sais pas quoi, je ne sais pas si tu as lu le Coran. Donc maintenant, c'est trop tard pour sujoud sahw. Qu'est-ce que tu refais? Tu refais ta salat, Inch'Allah ta'ala. Seulement toi. Les autres ne refont pas, et toi seul, tu refais cette salat tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Et je crois que je termine les questions. Non, c'est pas terminé, il reste Smaïn B. Smaïn B qui n'a pas encore posé sa question. Tafallah. La deuxième. Non, Abu Abdillah. Répète. Tafallah. Où est le problème pour toi? Tafallah, dis-moi où est le problème pour toi. Je te donne le micro si tu veux. Tafallah. Allah et Wasmak, Abu Abdillah. Normalement, non, mais j'ai honte de te dire non, Tfadal. Parce que. Vas-y vite, Inch'Allah ta'ala, Abu Abdillah, Wasmak, Abu Abdillah, naam. Vas-y vite, Inch'Allah ta'ala. Saha, pose-la vite, Inch'Allah ta'ala, Tfadal. Je te donne le micro. Nadina, tu es Sheikh, Barakallah, Sheikh, Rabbi Jazik. Vraiment désolé, Wallah. Sheikh, Inch'Allah, là, on a fait. Entre Sahat et le Maghreb, on fait des durous. Et donc, on parlait de la salade. J'ai intervenu, parce que donc il y avait les dieux, etc. Et donc j'ai intervenu pour, faire prendre conscience aux gens qu'il y a pendant le... Il n'était pas permis d'abandonner la salade pendant le travail. Et je leur ai dit, comme quoi, même pendant le travail, il fallait au moins faire la salade à l'heure. Et donc, c'était pas... Il y a de jeûner la salade, c'est libre. Comme les personnes, elles le font, elles regroupent les 5 prières de la journée, etc., le soir. Ou bien de prières tous les jours, etc. Et je leur ai dit que ça ne se faisait pas. J'ai écouté la fête de Cheikh Al-Bani, rahimahullah. Une personne, elle m'a dit, mais notre patron, il ne veut pas qu'on la fasse. Alors moi, je lui ai dit le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la ta'atan makhloukin fi ma'asiyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance donc à une créature, il y a des obéissances du créateur. Alors il m'a dit, comment on fait? Moi, je lui ai dit, écoute, ce que tu fais, Inch'Allah, c'est que tu fais ta salat. Mais il me dit, mais c'est du riche, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir, c'est du vol. Moi, je lui ai dit, écoute, par rapport à ce hadith, j'ai peur d'avoir une tatouage année de sans science. Je lui ai dit, par rapport à ce hadith, il faut que tu fasses la salade, tu ne peux pas la laisser partir. Est-ce que, je veux savoir en fait si par rapport à ça, j'ai peur d'avoir fait une grosse erreur. C'est-à-dire que j'ai fait une tatouage sans science. Parce que moi, j'étais, cette fois-là, je suis pas, laisse-toi à l'un des l'ijtihad. La fille, j'ai peur d'avoir fait un ijtihad. Alors que je suis pas parti. À cause du travail. Cheikh, c'est pas la salade à cause du travail. Ils sont derrière des machines, derrière des presses, etc. Et puis elles ne peuvent pas parce que leur patron, ils leur permettent pas. Le patron, il m'a dit, tant que le patron, il n'a pas donné l'autorisation de faire la salade, je la fais pas. Je lui ai dit, écoute, toi, tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, tu te donnes ta'at Allah, à la ta'at al-mudir. Donc je lui ai dit, ça sa prière. Et il m'a dit, même si le patron ne sait pas, je lui ai dit, écoute, la prière, il faut la faire. Donc, est-ce que j'ai fait une erreur par rapport à ça? Et j'aimerais savoir, m'en faire par rapport à ce problème, Rabbi Jazik. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. فيه صوت أبو عبد الله 77 فيه صوت. نعم c'est un problème, c'est un problème, le problème que tu viens de soulever maintenant, c'est un problème qui m'intrigue beaucoup, qui m'intrigue beaucoup. Ça fait 3 ou 4 jours que j'ai parlé avec mon frère Abdelmalek Ramadani, je devais poser cette question mais je l'ai oublié, Allah. Ça fait longtemps que je pense à poser cette question à quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui a de la science, car j'ai lu jusqu'à présent beaucoup de fatwa, et qui, bon, les fatwa existent. Mais est-ce qu'on peut yani, faire descendre telle que toi spécialement sur cette personne ou on ne peut pas? C'est ça le plus difficile. Tout le monde sait que la salat est obligatoire à l'heure. Et tout le monde sait par exemple qu'il est permis de joindre deux salats. Et que le prophète a joint entre deux salats sans raison. Et au contraire, il a dit pour montrer à ma nation qu'il était possible de, yani, de d'éloigner le haraj. Non, mais pas tout le temps. C'est pour ça que je te dis ce que je sais, je te dis ce que je sais. Mais je vais, Inch'Allah Ta'ala, demander aux ulama, parce que j'ai reçu beaucoup de questions en ce sens. Ils disent, je travaille dans des machines, etc. Je dois rester debout. Je n'ai pas comment faire la salat, etc. Je sais que, je te dirai la dernière chose, mes chers, j'ai une fatwa. Naam. J'ai lu cette fois des grands ulama qui disent que tu dois faire la salat. Et que, tu n'es pas excusé pour Salat al-Jumu'ah. Certains disent la prière du vendredi, je ne peux pas, etc. Mais moi, j'ai fait une fatwa. Toi, ce que tu dois faire, c'est dire Astaghfirullah. C'est dire Astaghfirullah, je me suis un peu précipité. Non, je me suis un peu précipité, je suis allé vite. Je me suis un peu précipité. Je sais que c'est ta foi et ta piété. Non, tu t'es basé sur un hadith, mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Je t'ai basé sur un hadith. Inch'Allah Ta'ala, tu as un ajr. Tu as un ajr pour avoir répondu par piété, par sincérité. Tu veux défendre le din, mashallah. Mais des fois on se trompe. Non, des fois on se trompe. Et on croit avoir bien fait et il y a autre chose. Car en fait, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, que khlas, il faut la faire à l'heure, etc., il te dit, mais je n'ai pas d'autre chose. C'est trompé quand tu as dit que le patron de l'autorisation. Il s'est trompé. Il y a autre patron à qui on demande l'autorisation. La salat, c'est la salat. Allah Ta'ala, ça dit qu'il faut la faire à l'heure. Allah Ta'ala, ça dit qu'il faut la faire à l'heure. Non. Allah Ta'ala, j'ai téléphoné Charles Gallet Marseille sur cette question. Il m'a dit que ce n'est pas du vol et que je devrais prier. Moi, je dois demander à celui qui est plus savant que Charles Gallet de Marseille. On doit demander à quelqu'un qui est plus savant. Abdul Hadi de Marseille, c'est quelque chose vraiment de très très important. Non. C'est pour ça que je te rendrai la réponse, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt. Je te rendrai la réponse très bientôt. Je sais que, pour terminer, je sais que je dois te dire que celui qui l'a joint est mieux que celui qui ne l'a fait pas. Celui qui l'a joint, il joint un Dhuhr ou l'Asr, Maghrib ou Aïcha, est mieux que celui qui dit laisse ce soir et je vais faire les salles prières. Mais Inch'Allah Ta'ala, je ne voudrais pas donner un avis sur cette chose jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, je te rendrai très bientôt la réponse, Inch'Allah Ta'ala, adéquate, bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Reste qui, Inch'Allah Ta'ala, reste Talib Im. Naam. Sma'in B, ça fait bien. Naam, Abu Abdillah, très bientôt, Inch'Allah, je te donne la réponse. Sma'in B, si tu peux, Inch'Allah, prends le micro. Salam alaikum, barakallahu fik, salam alaikum, barakallahu fik. Vous êtes fort. Amin. Atfadl, Ismaïn, c'est quoi ta question, Inch'Allah? Et Talib'in, je t'ai enlevé le point rouge, Talib'in, pose ta question, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être que Ismaïn B n'a pas de question, parce qu'il a seulement dit, Barakallahu fik, je dis au fik à Barakallah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse tout cela à moi et à vous, dans Inch'Allah Ta'ala, la balance des hasanats. Si, mais ça marche pas. On donnera donc à Talib'in de poser sa question, le temps que, Inch'Allah, tu essaies de poser sa question. Talib'in, t'as fait mal. Naam. Celui-là, c'est le dernier. Celui-là, c'est le dernier. Pas le dernier, c'est le dernier. Vous avez parlé des djinns et les collègues dans le passé des ans pouvaient voir les djinns. Pouvez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui on ne peut pas les voir? Nous les voyons plus que ce qui s'est passé. Non, je ne connais pas un délit qui dit que autrefois les gens voyaient les djinns et que maintenant on ne peut pas les voir. Maintenant aussi, le djinn peut se montrer de temps en temps. Non, le djinn peut se montrer de temps en temps. De toute façon, si c'est un kafir, si c'est un shaitan, il se montre très souvent sous forme de chien, surtout chien noir. Chien noir qui n'a aucune blancheur. S'il est vraiment noir, noir, noir chien, ça peut être un djinn kafir, bien sûr, ça peut être un shaitan. Il se montre aussi, comme a dit le prophète A.S., sous forme de serpent. Mais il est possible que le djinn, qui soit musulman, se montre dans certaines maisons, jusqu'à nos jours, ils écoutent comme ça des bruits la nuit, de temps en temps ils voient des personnes passer, ils voient. Moi je connais quelqu'un qui m'a raconté ça, lui en personne, ça veut dire s'il ne m'a pas raconté, je n'aurais pas cru. C'est quelqu'un qui est avec moi, un frère qui faisait la prière avec moi, il m'a dit j'étais au bled, chez ma famille, je faisais la sieste, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, quand j'ai vu, quand j'avais la tête, je me suis endurci. Il y a rien de un qui a acheté tout dit, il va arriver vers moi, la porte est refermée. Donc quelqu'un, un djinn, a mis ses chaussures, il a fait quelque part, il est revenu marié, il a fait les sorties. Et j'ai entendu un imam, ça c'est un imam, c'est un portier, un imam très connu, très connu, je ne sais pas si on jusqu'à la fin du monde, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout mal. Et j'arrête ici, inshallah ta'ala. J'ai beaucoup des choses importantes à faire. Vous m'excuserez, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour votre patience et pour avoir assisté avec nous. Jazakumullahu khayran. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous aide et vous guide vers le paradis. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.